ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce. Mes péchés, tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes. La sœur amie, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir frère Junior. Chelsea, ça va? Oui. Mais à cette heure, si tu ne dors pas. Alors Chelsea, dis bonsoir Belgique dans la sainteté. Belgique dans la sainteté. Bonsoir Belgique dans la sainteté. Bonsoir Belgique dans la sainteté. Belgique dans la sainteté. Voilà. Ça va? Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Oui. Tu continues à lire la Bible et à prier avec maman? Oui. Et il faut être obéissant à maman, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais que Madeleine t'attend ici encore, n'est-ce pas? Oui. Tu vas voir Madeleine, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais que le Seigneur Jésus-Christ t'aime également, n'est-ce pas? Oui. Alors, fais un bisou à maman, alors. Voilà, voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Comment tu vas? Amen. Qui vous bénisse aussi. Je crois qu'on devrait causer, mais avec des occupations là, on va voir demain s'il plaît à Dieu, d'accord? Amen, mon frère. Paix à Dieu. Voilà. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. Bon. Le frère Frédéric Maillot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à tous, frère et sœur. Les frères et sœurs ne veulent pas dire, personne ne veut dire bonsoir. La sœur, une bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Vos caméras ont des problèmes ce soir? Bonsoir. Bonsoir. La sœur, mais votre caméra, ça a des problèmes ce soir? Ah bon, pardon. C'est bon là? Quand ça sera bon, la sœur Ami va te parler. La sœur Mimi, bonsoir et bienvenue dans Belgique, dans la sainteté. Bonsoir. Ta caméra également a des problèmes, certainement, n'est-ce pas? Non, non, en fait, j'ai voulu. En fait, je suis tellement fatiguée que je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre la caméra. Ouais, ne t'inquiète pas. Quand tu vas mettre la caméra, quand tu vas nous voir, tu seras également fortifiée, d'accord? Oh, d'accord. Voilà. D'accord, je vais mettre la caméra. La sœur Suzanne Claudon. Voilà. Wow. Quoi de neuf dans Belgique, dans la sainteté ce soir? Alors, je suis à votre service. Il y a des bruits, il y a des bruits. Au début, comme ça, il y a des bruits. Il y a des bruits, toujours, chez le frère Frédéric. Frère Frédéric, tu es où? Tu es dans les rues? Bon, la sœur Mimi n'a pas encore mis sa caméra. Qui encore? Suzanne Claudon également. N'en parlons pas. Le frère Benjinit, bonsoir et bienvenue. On t'accueille à chaud. Bonsoir. Je crois que c'est évident. C'est quoi? Je crois que c'est évident que les caméras doivent être ouvertes. Ce n'est pas normal de répéter, n'est-ce pas? Sinon, nous perdrons 15 minutes, précieuses minutes, pour pouvoir parler de ces choses-là, alors qu'on devrait régler le problème depuis et puis commencer à travailler. Des questions? Quelle est la situation avec vous là-bas? Tout le monde se porte bien? Tout le monde va bien, mon frère, je suppose. Ouais, bon, de toute façon, j'ai comme l'impression que tout le monde est fatigué ici et que personne ne voudrait travailler. Alors, on prend cette pause et puis on revient. L'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cache beaucoup de choses pernicieuses qu'ils ont laissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on vient de l'énoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux baptistes, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cet homme est en train de louer le Seigneur. Il dit oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas. Et ces autres sœurs ne les écoutaient pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Et il n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers,

Oui, oui. Merci pour notre frère bienvenu, Martial Ngoa, avec sa tendre épouse, Emilien. Je crois que vous voyez ce clip-là et vous ne voudrez pas certainement qu'on arrête. Mais il faut qu'on arrête pour travailler. N'est-ce pas, la sœur Anne? Oui, mon frère. Tu veux déguster, sœur Anne? Tu vois que notre bien-aimé frère, il danse bien, n'est-ce pas, avec sa femme, n'est-ce pas? Ça. Que le Seigneur le bénisse. Que... Oui. Surtout que quoi? C'était un ancien chanteur de je ne sais pas quoi, là. Tu as lui dit, ma sœur. Non. Bon, chacun de nous, chacun de nous fume mondain, n'est-ce pas? C'est clair. Non, voilà. Ça fait plutôt plaisir. Alors, qu'est-ce que tu lui dis spécialement alors? Ben, je lui dis que Dieu le bénisse, qu'il continue comme ça. Qu'il continue comme ça dans la musique de Côte Basse. Non, sérieux, je sais. Qu'il continue comment donc? Pardon? Qu'il continue donc comment? Qui continue à servir le Seigneur, non? Je suis la bonne voix. Quoi. Je croyais que tu disais qu'il danse encore bien cette musique-là des Côtes Basses. Alors, la sœur Suzanne Cloudon, en voyant notre frère bien-aimé, bienvenue, Ngoa Martial, danser comme ça, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que vous m'entendez? Comment, ma sœur? Bah, est-ce que vous m'entendez? C'est sûr, c'est. Ça résonne, non? Oui, non, vas-y, parle. Oui. Mais ça fait vraiment plaisir, comme disait la sœur. On voit, ça met vraiment de la joie dans le cœur. On est content de servir. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Ok. Donc, qu'est-ce que tu dis donc au frère Martial Bongo et sa femme? Frère, bienvenue, Martial. Comme disait la sœur, pareil, que le Seigneur le bénisse et qu'il continue de servir le Seigneur, tout simplement. C'est vraiment comment on dit le Seigneur touche les cœurs, quoi. N'est-ce pas la preuve vivante, comme l'apôtre Paul le disait, afin que le Seigneur puisse voir dans les siècles à venir l'infini grandeur de sa puissance, comment il peut délivrer quelqu'un du péché? Amen. Ben, on était tous dans le monde. Ouais, chacun avait son degré de niveau de boue sous ses pieds. N'est-ce pas, frère Benjeni? Frère Benjeni ne veut pas parler. Son micro est fermé, certainement. C'est vraiment exactement ça, mon frère. Chacun a vraiment son degré de boue sur ses pieds-là. Et que la grâce du Seigneur nous aide seulement à nous en débarrasser entièrement. Nous puissions les servir dans un esprit vraiment nouveau. Je le dis dans les Écritures. Que le Seigneur te bénisse. La sœur amie. Son micro est fermé également, je crois bien. On passe du côté des boulevards de l'indépendance, la place de l'indépendance. La sœur Mimi, rebonsoir. Son micro également est fermé. C'est bon, bonsoir. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est ouvert le micro. Voilà. Je crois que c'est bien qu'on travaille maintenant, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen. On peut commencer, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de te voir, frère. Oui, toi, on ne te voit pas. Si on voit seulement les coups d'eau dans la brousse. Donc, c'est un signal que tu me donnes que je coupe ma caméra, n'est-ce pas? Je crois que la sœur Mimi a des petits soucis avec sa caméra, avec son appareil. Si tu nous entends, fais le signe. On commence. Je ne voudrais pas que quelqu'un pète ses seins. Je ne sais pas ce qui arrive là. Je ne sais pas comment on va faire. Quelqu'un a-t-il des questions? Belgique dans la sainteté, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition. Moi, j'ai une question. Qui parle? On a toujours des questions, mon frère. Toujours des questions. Vous voyez, quand la caméra n'est pas ouverte, c'est pas facile pour moi en même temps écouter les voix, savoir qui en est de parler. La sœur Reine, ta caméra est partie, je crois bien. Je ne sais pas si les gens ont la même situation. Ok. Vous ne me voyez plus? Je ne sais pas si les autres te voient. Moi, je te vois, ma soeur. Oh, ça veut dire que c'est moi. Okay. Ça veut dire que c'est chez moi qui a le problème, alors, dans ce cas. Alors, la soeur Clodon, toi, non plus, je te vois. Bon, voilà, là, ça, la soeur... Bon, je suis à votre service. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Amen, frère. Oui. Moi, j'ai une petite question sur dans Josué 5, à partir du verset 13. La sœur Suzanne Clodon attend une petite réponse à la petite question qu'elle a posée dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Le temps que les gens trouvent là, je crois que dans ce Josué là, il parle de, si ma mémoire est bonne, de là où Josué a levé les yeux, il a vu un homme qui s'était debout devant lui, n'est-ce pas, avec son épée dans la main. Et je suis sûr que la sœur Suzanne Clodon veut savoir si c'est le frère Junior qui avait l'épée devant dans sa main là. Alors, sœur Suzanne, Lisée doit lui poser la question. Non, c'est tout autre chose, mon frère. Okay. Moi, j'aurais voulu ça. Je lis ou je passe directement à la question? Vas-y, comme tu te sens dirigé. Bon, je lis pour mettre un peu tout le monde dans le bain. Mm-hmm. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et je défie ainsi. Amen. Amen. Moi, ma question est la suivante. Là, on parle du chef de l'armée de l'Éternel. Mmh. De qui s'agit-il exactement? Donc, tu crois finalement que c'est la question que tu as posée finalement? Pardon? Donc, finalement, c'est la question que tu as posée. Parce que finalement, tu as demandé si c'est le frère Junior dont il était question. J'entends vraiment mal. Oui, justement, parce que quelqu'un nous a rejoint là, il a fermé son micro. Alors, la question c'est, qui est le chef de l'armée de l'Éternel? C'est toute la question là-bas, n'est-ce pas? Oui. C'était la petite question. Alors, le frère, Benjamin, tu peux nous donner une petite réponse? La sœur Myriam, bonsoir et bienvenue depuis Stroke à 70 km de Birmingham et en direction ouest de Londres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, que le Saint-Esprit bénisse. Nous venons de... Bonsoir, ma... Voilà. Nous venons tout juste de commencer, d'accord? Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas fait grand-chose. C'est la première question, tout juste comme ça. Et lors de la première édition, si ma mémoire est bonne, je t'avais demandé si tu... Je parle de la sœur Myriam, que si tu avais les questions, tu as dit que non, tu vas d'abord observer d'abord pour savoir comment ça se passe. Donc, après 2, 3, 4 séances, tu dois déjà savoir comment ça se passe. Donc, tu vas t'attendre à répondre soit à une question ou bien à en poser, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, le frère Benjamin, qui est le chef de l'armée de l'Éternel? En fait, d'après ma compréhension des Écritures jusqu'à présent, le chef de l'armée de l'Éternel ne pourrait être autre personne que le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Là qui s'est présenté. Non, ne complique pas. C'était une petite réponse. C'est une petite réponse à une petite question, tout simplement, d'accord? Une petite réponse à une petite question. La sœur Suzanne, ça va? Oui, non, mais je m'en doutais, mais je vais être vraiment... Le frère Freddy, ferme ton micro, il y a un son qui sort chez toi, qui n'est pas bon. Oh, il croit que son micro est fermé. Bon, maintenant, qui d'autre, des questions? Les femmes d'abord. Moi, j'ai une question. C'est ça, allons-y. Une petite question ou bien une grande? Ben, je ne sais pas. Mais dis donc. Ben, c'est un peu... Bref. je vais m'exprimer en fait, parce que je n'arrive pas trop à bien formuler la question. En fait, c'est quand je lis la Bible, quand je lis les Écritures, je me pose des questions sur l'origine de l'Égypte, comment ça part et comment ça se fait. Bon, on va dire, je ne vais pas dire toutes les divinations, mais je me rends compte quand même que c'est un pays où les divinations, les religions, les trucs, les adorations, d'où ça vient. Que ça vient de là, en fait. Et je me posais la question, d'Égypte, en fait, ça sort d'où? Parce que quand je lis, là, je n'arrive pas à retracer tout ça dans la Genèse, jusqu'à machin. Et comment ça se fait dans la Bible, en général, c'est toujours... Bon, je ne vais pas dire que c'est toujours contre l'Égypte que Dieu va frapper, ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est pour ça que je n'arrive pas bien formuler la question. Parce que du moins, je ne comprends même pas déjà très bien ce qui passe avec ce pays-là. Bon, en clair, pourquoi tant de magie avec les Égyptiens? Et comment ça... Oui, pourquoi lui, l'Égypte, ça vient d'où? Comment ça fait pour se retrouver un pays où il y a trop de mal, en fait, là-bas? Bonne question. Voilà. Le frère Jean-Marie Bekombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Oui, je crois qu'il faut que les hommes viennent parce qu'il y a égalité entre les hommes et la femme ce soir. Sinon, ce sera le 8 mars ici. Alors. Bonsoir, frère. Oui. Le frère Jean-Marie, nous venions de commencer et puis c'est à nous la question de la sœur Reine qui constate avec. Un grand désarroi que la Bible parle beaucoup plus de l'Égypte dans le sens négatif et particulièrement dans le sens de beaucoup d'idolâtrie et beaucoup des esprits négatifs. Elle veut savoir quelle est l'origine de l'Égypte, où est-ce que ça vient, pourquoi c'est l'un des pays les plus maltraités dans le cadre de l'idolâtrie. Alors, qui peut répondre? Frère Benjeni, tu es là? Frère Jean-Marie n'a pas allumé son ordinateur. J'entends très mal, hein? Et quoi que c'est. Alors, tu m'entends maintenant? Allô? Oui, tu m'entends, frère? Avec des coupures. Voilà. Je crois que la qualité des réseaux n'est pas assez bonne ici. Bon, je crois que ça va aller. La sœur Myriam, toi, tu m'entends bien? Très bien. Très bien, frère Julien. La sœur Mimi, tu m'entends également? Très bien. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, allons-y dans le livre des Genèse au chapitre 10. Rapidement, pour répondre à la sœur. Donc, pendant qu'on est en train d'ouvrir Genèse chapitre 10, souvenez-vous que quand vous voulez chercher n'importe quoi, vous cherchez son origine, allez dans le livre de Bereshit, dans le livre du commencement. Vous allez voir les origines là-bas. Donc, vous allez suivre cette trace-là dans la Bible. Il faut qu'on aille pour voir les pères fondateurs de l'Égypte. D'accord? Les pères fondateurs de l'Égypte. Et donc là, vous allez remarquer que l'histoire ancienne, plus ancienne que l'histoire archéologique non biblique, vous allez remarquer que cette histoire, malgré que les gens puissent raconter n'importe quoi, c'est la Bible qui a le dernier mot. Parce que la Bible dit exactement comme les choses ont commencé, ce qui s'est passé au juste. Alors quand Dieu va créer les cieux et la terre, les hommes vont se multiplier sur la terre. Par la suite, le péché va entrer et les hommes vont se multiplier. Dans Genèse chapitre 6, Dieu dit... La méchanceté des hommes était grande sur la terre et Dieu a résolu donc de détruire les hommes sur la terre, tous les bêtes, tout ce qui avait respiration. Puis il a sauvé 8 personnes d'une même famille. Noé, la Bible déclare donc que Noé trouvait grâce devant Dieu parce que Noé veut dire consolation, parce que Dieu veut consoler la terre. Quand il va finir de sortir maintenant, justement comme la sœur Reine écrit là, il y a un micro qui est ouvert. Par conséquent, il y a redondance et construction donc destructive. C'est pas qui a ce micro là? Oui, c'est la sœur. Oui, la sœur Suzanne. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alors, quand Dieu... Si vous m'entendez pas, c'est pour ça que je veux que vous ayez votre vidéo. Si vous voyez sur la vidéo, si vous ne m'entendez pas, faites-moi seulement comme signe pour qu'ils sachent que vous ne me voyez pas. Quand vous coupez, je ne sais pas si vous ne m'entendez pas. Et donc, par conséquent, je suis obligé de me répéter plusieurs fois quand d'autres personnes disent qu'ils n'ont pas entendu. Alors, si vous avez votre micro ouvert, dernier fermé, jusqu'à ce que j'explique, et on va arriver à l'endroit où on va lire. Alors, donc, Dieu va créer les cieux et la terre. Il va placer deux personnalités là à l'intérieur. Et puis, le péché va entrer au chapitre 3. Au chapitre 4, les multiplications des hommes vont commencer. Au chapitre 5, ils vont commencer à se disperser. Au chapitre 6, donc, on va voir effectivement que le croisement entre les fils des dieux et les filles des hommes vont donner des êtres géants et gigantesques où la méchanceté va prévaloir sur la terre au point où Dieu va dire qu'il regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Il résout donc de détruire la terre avec tout ce qui y a vie. Ça fait contaminer toutes les règles animales au point où même les hommes et les animaux allaient ensemble sur le plan des rapports sexuels. Dieu va donc détruire la terre en sauvant 8 personnes, c'est-à-dire Noé et sa famille, sa femme et ses enfants et ses belles-filles. Maintenant, à l'issue de cela, dans le chapitre 7, 8 et 9, c'est là où le déluge va être, ce contenu-là, dans le chapitre 8, ce chapitre 7, 8 et 9 de Genèse. Le déluge, c'est-à-dire que l'eau que Dieu a fait venir sur la terre pour engloutir la terre et tous les êtres vivants qu'il y avait sur la terre, hormis les êtres qui étaient à l'intérieur du bateau de Noé, de l'arche de Noé. À l'issue maintenant de la sortie, à la sortie de cela, Dieu fait alliance avec le peuple, avec Noé, et place sa nuit dans les cieux en disant que chaque fois quand cette nuit-là, quand cette arche-là va être placée dans les nuits, Dieu ne doit plus va voir cela, il ne doit plus frapper la terre comme il se doit. Maintenant, au chapitre 10, donc, on retrouve donc maintenant, parce que là maintenant, c'est pour amener la compréhension qu'il n'y a pas d'un peuple sur la terre à partir de Genèse chapitre 9, 8, 9 et 10, en dehors des 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Donc, ça veut dire que c'est ici dans l'origine. C'est à partir donc d'ici que nous pouvons commencer à suivre les origines de toutes les autres espèces sur la terre, des espèces humaines qu'il y a sur la terre. Parce que nous admettons qu'il y a eu deux êtres, on a créé deux êtres, ils se sont multipliés, il y a eu multiplicité avec le péché originel qui est entré. Dieu a nettoyé, il y en avait 8 personnes sur la terre, 8 personnes. Quand les 8 personnes vont entrer, allons-y donc maintenant dans le livre de Genèse chapitre 10 et voir comment ça va se passer. Allons-y. Genèse chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui va lire. La soeur Suzanne Claudon n'a pas un son qui est bien parce qu'elle se trouve dans une pièce où il y a de l'écho. Donc, elle ne peut pas lire parce que ce n'est pas bon chez elle. Je ne sais pas. Et s'il faut lire, il faut s'approcher du micro. Je ne sais pas qui va lire. Ben, je vais lire alors. Voilà, ce son-là est bon. Alors, c'est bon. À partir du verset 1, c'est ça? Exactement, ma soeur. D'accord. Voici la prospérité des fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashtakenaz, Riphat et Togarma. Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Arrêtons d'abord là-bas. Les fils de Cush. Arrêtons d'abord là-bas. Ouais. La sœur nous écoute. Oui, mon frère, je suis là. J'écoute. Voilà. Voilà donc. Mais si vous avez votre Bible devant de vous. En lisant le verset, ma soeur, la soeur Mimi qui est en train de lire, nous sommes arrêtés au verset 6. Donc, je recommence encore. En lisant le verset 1, on dit, voici la postérité des fils de Noé. Nous comprenons que Noé, c'est celui qui était dans l'âge. Sem, Cam et Japhet. Donc, il y en avait 3 hommes à l'intérieur. D'accord? Maintenant, au verset 2, on donne les fils de Japhet. Donc, ça veut dire qu'après qu'ils se soient sortis de là, ça ne veut même pas dire que tous ceux qu'on a nommés là-bas étaient aussi dans l'âge. Ça veut dire que ce qu'on a décidé là, c'est l'engendrement qui est venu à l'issue de là et sorti de bateau. Puis, on va continuer maintenant au verset 6. Remarquez au verset 7, on dit que c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Vous voyez? Donc, ce sont ces gens-ci, le groupe, ceux qui sont dirigés vers les îles. Ils aimaient un peu, c'était les Sawa, quoi. Ils aimaient les bordures des mers. Et verset 6, donc, maintenant, disent, les fils de Cam furent Cush, Mishraïm. Cush veut dire noir, bronzé par le soleil, d'accord? Noir, noirci par le soleil. Mishraïm, donc entouré Mishraïm. Donc, Mishraïm, donc, effectivement, ça veut dire Égypte, d'accord? La sœur. Allô, la sœur. Oui, mon frère. Oui, mon frère, j'écoute. Voilà. Donc, de la même façon, comme Israël, que vous avez comme nation, est le nom du papa des 12 tribus d'Israël. C'est lui qui s'appelle Israël. De la même façon, la ville, enfin, le pays que vous appelez Égypte, c'est le nom de celui-ci. D'accord? Le deuxième fils de Cam. C'est son nom. Donc, c'est lui qui a donc donné la ville d'Égypte à son nom. D'accord? D'accord. Donc, quand vous entendez donc Égypte, ça veut dire Égypte veut dire Mishraïm. Mishraïm, ça veut dire que c'est celui-ci qui est le père fondateur donc, de l'Égypte. Christophe. D'accord. Donc, c'est Mishraïm qui veut dire ça. Canaan, vous voyez effectivement qu'il y a Put et Canaan. Canaan, donc, c'est le pays de Canaan où les Juifs vont prendre plus tard. Mm-hmm. Vous suivez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Et donc, vous allez remarquer donc, que c'est dans cette descendance-là et pas à la suite. Maintenant, regardons, allons verset 13 rapidement, la soeur qui tente de le lire. Verset 13, c'est ça? Oui, 13, 14. D'accord. Courage dans la lecture Mishraïm maintenant. Engendra. Courage dans la lecture maintenant parce que les noms ne seront pas évidents. Allons-y. D'accord. Alors, Mishraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Anamim, les Leba, les quoi? Les Abim et les Nafra. Quoi? Waouh! Nafuim. Courage. 14. Alors, les Patrutim. Les, alors, en fait, c'est que je ne vois pas bien. Mm. Les Casluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaftorim. Donc, vous voyez effectivement que les Philistins qui sont en bordure de Gaza, dans la zone de Gaza, qui vont combattre Israël plusieurs fois, sont des enfants de même personnalité que ceux de l'Égypte, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez, lisez maintenant le verset 31 et 32, ma soeur, et on en termine. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Donc, ça veut dire que vous l'admettez ou non, tant que vous êtes sur cette terre, c'est en tant qu'être humain, vous êtes descendant de l'un de ces trois personnages qui sont sortis des bateaux. Vous entendez, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a une autre réalité. L'autre réalité maintenant, c'est que après cette sortie et tout ce développement, parce que ce n'est pas automatique. Quand vous voyez, on donne tous les noms qu'on a décités là. Quand ils sont sortis du bateau, ils n'ont pas commencé à coucher dans des eaux comme les chèvres. Ce sont des choses qui sont déroulées sur des longues périodes. Maintenant, si vous lisez le chapitre 11, on va dire que maintenant que toute la terre avait la même langue avec les mêmes mots. Vous voyez cela? Donc, on parlait la même langue, le même mot. Puis, les hommes vont se réunir sur la surface dans un endroit bien. Ils vont aller là-bas construire des briques maintenant pour faire ce qu'ils ont appelé là-bas, quoi, à Strasbourg, maintenant, le palais de la tour de toutes les langues. Ils vont construire cela pour essayer de rencontrer Dieu. Et Dieu va les descendre pour les disperser. Et quand il va les disperser, maintenant, chacun, Dieu va leur donner des langues différentes pour qu'ils ne s'entendent pas. Maintenant, personne sur la terre ne peut dire si un enfant des Sem avait finalement reçu la même langue qu'un enfant de Japhet, ou qu'un enfant de Gomer, de Tubal, de Sidon, de Heth, de Jébusien, de Sinien, et ainsi de suite. Ouais, non, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas qui est là, dans quel côté, avec qui. Ouais, vous voyez le problème maintenant, le mélange encore. N'est-ce pas si vous me saisissez? Donc, à l'issue du fait que Dieu a saccagé ce monde dans le Genèse chapitre. Ça, c'est Genèse chapitre 10 que nous avons vu. Genèse chapitre 10 nous situe que l'humanité a été remplie par ces trois descendants. Et on a essayé de catégoriser maintenant les différentes régions avec les différents noms que nous avons. Le but, c'était de faire comprendre que Mishraïm, ça veut dire que c'est l'Égypte. Et c'est cette Égypte-là que David va. Enfin, comment il s'appelle? Joseph va finalement aller là-bas quand ils seront en tant que nation. Et si nous allons au verset chapitre 49, allons-y là-bas dans le chapitre 49 de Genèse, mais même chapitre 46 là, où il est. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, les autres n'ont pas ouvert leur caméra. Je n'ai finalement pas ouvert sa caméra. Vous me mettez dans une situation. Je t'entends très bien. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que je finisse de parler là et puis vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là? Vous y êtes. Genèse chapitre 44, le verset 15, tout simplement. 44. Quelqu'un va lire ici sur la terre, c'est à ces jours. Personne ne veut lire. Ok, on continue alors. Je continue à parler donc. Verset 44. On dit Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Oui. Alors, vous voyez effectivement, ici c'est l'histoire où les peuples, les frères de Joseph sont venus à plusieurs reprises pour le mil, pour le blé en Égypte, et on a fini par en foutre le verre, vous savez, le gobelet ou bien la coupe dans laquelle buvait Joseph. Et il donne un renseignement ici en disant, donc ne savez pas que quelqu'un comme moi a le pouvoir de deviner. Donc, il parle de la divination avec la coupe. C'est-à-dire qu'à cet instant-ci, à cet âge, si nous sommes encore dans la Genèse, on voit qu'il y a cet esprit de divination au point où les gens savent qu'il y a la divination. C'est-à-dire qu'on sait que les gens de pouvoir sont des sorciers. Vous voyez cela? Joseph intrigue les frères en disant que, vous voyez, comment avez-vous pu voler la coupe? Parce qu'ils avaient pris la coupe, c'est lui qui a monté le coup avec ses intendants, afin qu'ils mettent ça dans le sac de Benjamin pour pouvoir le faire retenir. Et il dit, c'est cette phrase qui trahit du fait que, parce que s'ils ne connaissaient pas la divination, on n'en parlerait pas. Ne savez-vous pas qu'un homme comme celui, comme Joseph, a le pouvoir de deviner? Donc, ça dit la divination était déjà là. Or, nous sommes dans Genèse chapitre 44. Mais si vous rentrez plus bas encore dans Genèse, avant que Jacob ne vienne épouser son mari, ses deux femmes, Léa et Rachel, chez Laban, vous allez voir que chez Laban, il va quitter exactement chez son père, et il va aller là-bas pour chercher des femmes. Allons-y, trouvons-le là-bas, dans le livre de Genèse chapitre 28. Rentrons encore plus bas. Oui, la sœur reine, j'ai parlé de l'origine de l'Égypte. Tu as vu qu'on est allé au chapitre 10, on a trouvé son origine. Nous trouvons au chapitre 44 où l'Égypte est déjà constituée. Plusieurs centaines de milliers d'années sont passées. Maintenant, je suis en train de toucher maintenant l'aspect spirituel pour montrer que exactement où ces divinités-là sont venues à s'asseoir comme ça. D'accord? D'accord. Chapitre 28. Allons dans le chapitre 27, d'abord lisez-moi le verset 43. Quelqu'un va-t-il lire rapidement pour qu'on je ne sais pas si ton son est bon pour que je puisse lire. Essaie de lire ma soeur, chapitre 27, verset 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. C'est pas bon là ma soeur. Qui va nous lire cela? Où est la soeur Mimi qui lisait aujourd'hui? Elle est fatiguée, elle dort déjà. Je vais lire. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Voilà. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je... Non, c'est bon. Pourquoi serais-je plus de mes deux fils? Ça, c'est l'antagonisme qui a eu lieu entre Jacob et Esaü au point où on a béni Jacob à la place d'Esaü. Maintenant, ce moment, on va prendre la décision pour dire à sa face, à son fils Jacob, d'aller à Charan. Charan, et vous voyez, c'est dans la zone de Babylone, c'est-à-dire vers l'Irak. Vous avez la position, vous avez vu l'Irak aujourd'hui là. Il lui demande d'aller là-bas. La sœur, il faut bien saisir ce que je viens de dire. Nous parlons de l'origine des cultes idolâtriques. Vous voyez, vous dites, mais ça s'est sorti d'où? On les retracer pour retrouver où ça se trouve, d'accord? Maintenant, il quitte maintenant au chapitre 28. La Bible déclare au chapitre 28 maintenant, verset 1, 2. Allons-y. Chapitre 28, verset 1, 2, puis le verset 5. Je continue. C'est ça, c'est toi qu'on attend, ma soeur. Ah bon, excusez-moi. Je pensais que quelqu'un... Bon, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, et que tu possèdes, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Voilà. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, le frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Isaü. C'est bon. Isaü c'est vit bon, et c'est prie. bon, ma soeur. C'est bon? Merci, merci, merci. On sent que tu as beaucoup d'énergie pour continuer toute la lecture de la Bible. Donc, reste-nous connectés afin que tous les autres passages tu vas en lire, d'accord? Alors, nous voyons effectivement comment Jacob a quitté effectivement la contrée pour aller à Padam Aram, retrouver Bethuel, pour épouser là-bas une fille. Mais on dit effectivement que c'est l'araméen. Maintenant, allons, et vous connaissez l'histoire, je sens de vouloir quitter rapidement pour qu'on puisse continuer. Il va arriver effectivement, il va trouver Rebecca à côté, Rachel derrière le puits avec la bergerie, dans la bergerie. Et puis, ils vont aller à la maison, l'histoire de l'amour, romantisme va commencer. Il va lui parler à son cœur. Il va regarder comment elle est très belle, ainsi de suite, délicate. Vous savez comment vous, les femmes, vous êtes, n'est-ce pas? L'effet que ça fait, c'est lui. Puis maintenant, nous nous trouvons maintenant où il va travailler jusqu'à ce qu'il va hériter de ces deux sœurs-là. Et il va falloir maintenant qu'il quitte. Parce que son beau-père, là-bas, avait commencé à voir effectivement que Dieu le bénissait. Il voulait le maintenir là-bas à perpétuité. Comme ça, la bénédiction qui était sur lui continue à couler sur ses effets. Il va porter ses deux femmes, ses enfants, pour partir. Laban va le retrouver en route. C'est là-bas où il veut qu'on ne parte le retrouver là-bas. Allons-y, allons le retrouver, chapitre 30. Chapitre 30. Vous y êtes? Oui. Voilà. Chapitre 30. Qui en est parlé? C'est moi, apparemment. Voilà, ok. On y va. Chapitre 30, le début, le verset 1, c'est ça? Non, allons rapidement au chapitre 31. Rapidement, retrouvons la personne, il ne faut pas qu'on lise rapidement. Allons-y. Donc, au chapitre. 31. On va au chapitre 31, c'est ça? Oui, non, allons au chapitre 31. D'accord. Oui. Mm-hmm. Voilà. J'entends mal, en fait. Oh là, je m'excuse là. D'accord. Chapitre 31, verset 43. Oui. Verset 43. D'abord. Mm-hmm. Donc, je lis ça déjà. Non, alors, ma soeur, allons au verset 22, lisons jusqu'au verset 32. Et puis, vous allez voir quelque chose. D'accord. Alors, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Allons-y, ma soeur. Ta connexion dérange apparemment. Oh là là. Alors, la soeur Mimi, tu nous entends? Ah non, voilà. elle a reçu un appel. Alors, la soeur Mimi, tu as reçu un appel qui te dérange. C'est vrai. Alors, désolé. Je crois que je vais changer d'appareil. Il faut changer d'appareil. Le temps, c'est pour nous que le temps que tu t'échanges et que le frère Benjamin nous lise là. Voilà. Le frère Benjamin, verset 22. Oui, reste en ligne, écoute-nous, d'accord? Verset 22 à 32. Allons-y, mon frère. Troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit cette journée de marche. Il atteignit à la montagne de Galaad. Et Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Allô? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des enfants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu es languissant après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait. Voilà, c'est bon. La sœur Mémie nous est revenue. Oui. Vous voyez effectivement que un monsieur comme ça, Laban, qui se trouve du côté de Padan Aram, c'est-à-dire vers l'Irak, la zone de l'Irak à Mésopotamie, qu'est-ce qui se passe? Il travaille avec Jacob. Jacob, Dieu le bénit et bénit cette famille-là à cause de lui. Quand il fuit avec ses filles pour aller, il se rencontre quelque part. Et là, la montagne de Galate, vers la montagne de Galate, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, lui dit dans la nuit, ne tentez pas de parler ni en bien ni en mal à Jacob, mon serviteur. Vous voyez cela? Et quand il arrive, il lui réitère cela. Il dit que le Dieu de tes pères, le Dieu, regardez encore, c'est quand même terrible. Verset 29 dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, le Dieu de votre père, le Dieu que vous servez là, que nous servons là, il a dit à Laban de ne rien faire, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant, verset 30, il dit quoi? Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Il pose la question, pourquoi as-tu dérobé quoi, frère? Mais Dieu. C'est terrible. Et le grand Dieu de l'univers lui a parlé. Ça ne lui a pas suffi pour dire que je suis un fou, quoi. Il ne peut pas comme ça récupérer sa part de Dieu. Et on dit que sa fille Rachel, parce que le verset 32 finit en disant que Jacob ne savait pas que c'est Rachel qui l'avait eu. Il a fait ça, il a mis ça dans son string. C'est terrible. Alors, vous voyez, alors, si on prend dans depuis la Genèse, vous suivez cette trace, vous regrettez que c'est dans la zone de la Mésopotamie que la magie a commencé. Ce n'est pas en Égypte. Ça a plutôt émigré là-bas. D'accord, mes chers? Si vous retournez même depuis le verset, le chapitre 11, où j'ai tant décidé tout à l'heure, là, que, par rapport à la tour de Babel, c'est là-bas dans la zone là. Dans la zone. Quand vous regardez l'histoire de. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose pour que vous compreniez. Quand vous regardez l'histoire, tout le monde, focalisez votre attention sur moi pendant que je vais parler. Je vais voir votre image, sinon je vais fermer la main. Je crois que focalisez votre attention. Je crois que vous voyez mon image. Regardez. Maintenant. On ne te voit pas. Oui. Voilà. Maintenant, quand je parle, chacun a ouvert son truc. Ou bien vous mangez pendant que je ne parle pas, c'est quoi? Alors, regardez le culte de Dieu, vous appelez le culte enfant, mère et enfant. La soeur Mimi, où je ne la vois pas, ni la soeur Ami, quand je ne la vois pas. Le frère Bekombo, peut-être qu'il est en train de dormir, on ne sait jamais. Maintenant, vous allez. Non, je ne dors pas. Mais ta caméra ne fonctionne pas. Vous allez le voir là maintenant, il serait assis là comme le pape. Parce qu'il veut parler du pape là maintenant, vous allez voir. Voilà. Alors, vous prenez le culte mère et enfant. Vous allez voir une femme avec un petit enfant. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas, dans la coutume de la Vierge Marie qui se trouve dans l'église catholique. Ce n'est pas un culte qui a commencé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez peiner, vous me donnez une minute, je vous explique. La soeur Suzanne Claudon, ça bouche chez toi. Je ne sais pas s'il y a la mamie de feu et qu'il y a ça presse. Je veux toute votre attention. Restez calme au moins un instant pour qu'on puisse en parler. Alors, je dis, si vous lisez le livre de Genèse au chapitre 11, dont j'ai fait état tout à l'heure, là. Dans Genèse chapitre 11, on parle d'un certain Nimrod. D'accord? Et ce Nimrod-là est engendré sur la descendance de Cush. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est noir. Noir brûlé par le soleil de son père, c'est un noir. Alors, c'est lui donc qui est le premier à organiser le royaume sur la terre, à être puissant. Le premier magicien. Et ce Nimrod, vous allez voir donc, sa maman s'appelait Semiramis. Il y a l'histoire du culte. Le culte mère et enfant commencera là-bas. Donc, l'histoire de la Vierge Marie, entre guillemets, pas la Vierge Marie de la Bible. La Vierge Marie que vous trouvez en milieu catholique commence là-bas dans votre livre de Genèse. En tout cas, quand vous retracez la Bible, vous allez voir effectivement, si vous lisez Jérémie chapitre 7, vous connaissez l'histoire de la reine du ciel, n'est-ce pas? Dans le livre de Genèse chapitre 14, où on parle d'elle, où elle a infesté tout Jérusalem au point où les gens l'adoraient Et jusqu'à ce que, depuis les petits-enfants jusqu'à aux grands-parents, les gens adoraient et ils avaient des bénéfices pour cela. On dit qu'on offrait la reine, quoi, l'encens à la reine du ciel. Vous remarquez dans le Nouveau Testament, vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 19, vous allez trouver cette même reine là-bas. On l'appelle la grande déesse Diane, la Diane des Éphésiens. L'apôtre Paul l'a confrontée là-bas. Toute l'Asie, la Bible déclare, toute l'Asie, tout le monde entier l'adorait. Et la Bible est formelle, un peuple ne peut pas changer son Dieu. Donc, quand vous montez, vous descendez, c'est la reine du ciel qui gouverne sur la terre avec les religions. Donc, vous voyez effectivement que l'aspect du royaume était conçu là-bas sous Nimrod. Et l'aspect religieux était l'initiation que faisaient lui et sa maman. Donc le royaume allait de pair avec les puissances des ténèbres. C'est-à-dire que le royaume physique, comme vous avez suivi, Joseph a dit là-bas dans ce Genèse chapitre 44, verset 15, en disant que ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner. Les royaumes étaient contrôlés avec des puissances. Enfin, aujourd'hui, vous entendez effectivement que certains chefs d'État, quand ils ont mal à partir avec le Seigneur, ils invitent par exemple certains grands francs-maçons. Vous suivez mon regard, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Pour qu'ils viennent ressourcer un peu là-bas. D'autres sont brillants, vont dans les élections, sont les petits comme ça, ils peuvent épouser même le grand sœur, gagnent les élections et subitement, avant vous ne voyez pas de pin sur leurs habits haut de là-bas de la rose, quoi, subitement, lorsqu'ils gagnent les élections, vous voyez la rose croît là-bas. Vous vous posez la question, celui-ci a fait comment pour entrer dans la rose, quoi? La rose, quoi? Il y a une initiation qu'on va. Comment elle a fait pour être le grand maître subitement? Et ça, vous comprenez. Donc le pouvoir s'accompagne, le pouvoir manifeste du royaume, d'un royaume s'accompagne avec des puissances ténébreuses. Ce n'est pas nouveau. Dans le livre de Genèse, enfin, dans le livre de Daniel, Daniel était auprès de Darius, de Cyrus, de Nebuchadnezzar, et c'était les gens qui gouvernaient avec des puissances des ténèbres. Vous me suivez, mes chers? Et donc là, dans le livre de Genèse, dans le chapitre 11, le royaume fondé par Nimrod et ses acolytes, où ils sont rassemblés, était un culte, ils avaient l'aspect cultuel qui consistait en l'adoration des mères enfants. Je veux toute votre attention maintenant parce que je veux dire. Où est la Sainte Mimi? J'aimerais bien regarder bien ses yeux pendant qu'il parle ainsi. Où est la Sainte Mimi là? Quoique certainement elle est fatiguée. La Sainte Mimi m'entend. Je veux toute votre attention parce qu'il veut dire des choses que ça risque de vous choquer. Mais c'est quand même la vérité. Non, je suis là. Où est la Sainte Mimi? Mais oui. Vous avez entendu parler d'une chanson, je ne sais pas comment ça s'appelait, j'espère que je vais pouvoir me recevoir. Vous avez entendu parler de la chanson Aïcha, quelqu'un dit Aïcha, Aïcha, quoi, je ne sais pas qui a chanté cela, mais il respecte Aïcha plusieurs fois là-dedans. Oui. Ok, oui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est Raleb. Voilà. Taleb. Voilà. Taleb, oui. Alors, cette reine du ciel a infesté tout le... Vous avez, je ne sais pas pour vous autres, qui, si vous êtes de 1992, peut-être vous ne pouvez pas savoir ce que je suis en train de parler. Mais si vous êtes vieux comme nous, comme ça, nous autres, vous allez entendre parler de Mamadou et Binita. Vous avez lu ce livre-là? Vous avez entendu parler de l'histoire de Mamadou et Binita? Vous avez entendu parler de mon papayé dans un coin de Manco. Il y a un papayé. La graine. Le truc. Ok. C'est moi qui ai semé. La graine est rendue noire. Vous connaissez toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Que Dieu me permette. Toutes ces choses qu'on a fait dans l'initiation, on a fait là, c'est le satanisme. J'arrive bien un instant avec les choses qu'on a enseignées à l'école primaire. Attendez seulement les récitations. Maintenant, regardez. Il y a une histoire de la femme africaine. Il y a un autre poème de la femme africaine. Elle est brave, ainsi de suite. Elle se lève, et puis vous la voyez avec le pilon là-bas. Et puis l'enfant derrière. N'est-ce pas? Oui. Seigneur, aide-nous seulement. Aide-nous. Bon, je crois que c'est différent de rester ici. Cette femme-là, elle est appelée Isis dans l'Égypte ancienne. Avec son mari, son mari Isis, Osiris. C'est lui, c'est elle donc qu'on adore. C'est elle qui a dont le nom a donné Paris. Parce que les initiés venaient de l'Égypte. En transportant, c'est pour ça que la ville de Paris est infestée de l'idolâtrie de toutes ces obélisques là qui viennent de l'Égypte. Donc, on ne jurait que par Isis et par finalement on a dit Paris. Quand vous dites je m'en vais à Paris, vous jurez par la reine du ciel. Vous ne saviez pas ça, n'est-ce pas? Donc la ville de Paris est consacrée à la reine du ciel, d'où votre tour est fait sur la forme pyramidale qui se réfère à l'Égypte. Je peux avancer. Je crois que vous êtes sans ignorer avec. Vous savez, quand nous étions à Paris, là-bas, quand j'ai marché dans la Champs-Élysées, j'ai demandé à ma femme que, est-ce que toi-même tu sens ton corps irrité par cette ville-ci et cette allée-ci pleine d'idoles comme le fit l'apôtre Paul alors qu'il était à Athènes? Ou bien tu es comme ceux qui sont sous la tour des fêtes là, en train de se délecter de la joie en disant, ouh, je suis à Paris. Vous voyez dans l'esplanade de Paris, tout simplement là-bas, tout est fait. Vous allez voir les statuettes des momies des pharaons et haut là-bas. Tout là, il n'y a pas d'endroit plus lugubre en France que cela. Mais attendez comment quand le Seigneur va le faire. Et tout juste autour, il y a le culte des eaux. Tout juste là-bas, vous appelez ce que c'est la Seine qui traverse là-bas et les gens le font. Mais il y a un problème. Mais le vrai problème, c'est que je vous pose la question chaque fois. Dans la Bible, vous voyez effectivement ces idolâtries-là. Sur le plan moderne, on ne les entend plus, pas vrai? Vous dites oui. Il dit, ils sont enfuis dans la politique, enfuis dans le football, dans l'industrie de la musique, des textiles, dans le travail, à l'ONU, ils sont là-bas. Les idolâtries et toutes les choses que vous voyez dans la Bible, là, ce sont ceux qu'on a modernisés comme ça. Je ne crois que c'est ici que je vous ai parlé des Jeux Olympiques. C'est pas ici qu'on avait parlé des Jeux Olympiques. C'était ici, c'était à Bézé de la Sainteté. On avait parlé du Panthéon ici, pas vrai? Amen. C'était sur Belgique de la Sainteté, n'est-ce pas? C'est ça. D'ailleurs, on devait continuer l'enseignement, la deuxième partie, je pense. Oui. Mais là, nous avons vu effectivement que les Jeux Olympiques, initialement, étaient des réunions de cultures religieuses de différents pays, de villes dans la Grèce, pour en honneur aux dieux païens, aux dieux grecs, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous voyez que sur le fond moderne, maintenant, on dit que non, c'est un jeu qui réunit les cinq continents, on dessine les différents continents, c'est-à-dire que les cinq siècles-là veut dire les cinq continents. C'est vous, on veut vous faire comprendre que c'est les cinq siècles-là veut dire les cinq continents. Ça ne peut pas changer. Les divinités, à l'antenne grecque, c'est eux que vous adorez, en jouant, en participant là-bas. Vous voyez la sœur, excusant que le monde dit qu'il faut qu'il fasse la course, il veut participer aux Jeux Olympiques, il faut que le Seigneur me donne la force. On blague sur la terre, je vous le dis. Donc l'idolâtrie a continué. Permettez-moi qu'il revienne dans le cadre que j'étais en train de expliquer par rapport à cette mère enfant. La Mésopotamie, donc, depuis la Genèse chapitre 10, nous avons vu que les trois enfants de Noé, Japheth, Sem et Cam, vont être ceux qui vont multiplier la terre. Lorsqu'on finit au chapitre 10, on dit que c'est par eux donc, que toutes les nations de la terre, toutes les langues ont été multipliées. Ça, c'est clair, ça veut dire que c'est issu d'eux. Maintenant, chapitre 11 commence à montrer comment le royaume humain va vouloir s'implémenter sur la terre par un homme appelé Nimrod. Ils vont bâtir donc une tour et Dieu va descendre pour que les confondre. Donc, cet homme-ci était le premier type même de la révélation divine même du Messie mourant venant d'une vierge. Qu'est-ce qui se passe? La sœur, merci vraiment pour cette question-ci. Et j'ai pris donc effectivement que vous puissiez saisir vraiment de la façon dont je vais qu'on vous saisisse. Alors, dans le livre satanique, comment je vais dire ça? Il faut que je mette ça de façon. Permettez-moi donc, il faut que je sois vraiment douce. Il faut que je me calme doucement. Il faut que je me calme doucement pour vraiment bien parler ces choses-ci. Vous prenez votre Bible par exemple. Vous lisez dans le livre d'Isaïe au chapitre 7, le verset 14. La Bible déclare que voici le signe que l'Éternel vous donnera. La Vierge enfantera. Pas vrai? Donc, une Vierge est censée enfanter. Ceci, quand on écrit le livre de Genèse, Esaïe n'est même pas encore né. C'est des années plus tard qu'il va naître. Mais le vrai problème, c'est qu'avant que Esaïe ne soit là, il y a quelqu'un qu'on appelle Lucifer qui était le porteur de lumière, qui était plein de sagesse. La Bible déclare qu'il était plus sage que Daniel, qui existait, et qui connaissait le plan divin de la manifestation du Messie. C'est parce que vous saisissez. Et quand les anges sont descendus du ciel, les anges déchus sont descendus, ils ont implémenté sur la terre ces cultes idolâtres dans différents peuples. Vous entendez, les gens disent effectivement qu'avant que les blancs ne viennent, nous adorions nos dieux. Regarde par exemple le cas des Arabes. Avant que les Kourachites, qui est le peuple des Mohammed, ne viennent s'établir là-bas du côté de la Médine, le Allah, dont on célèbre aujourd'hui avec le croissant lunaire, était déjà adoré là-bas. On le connaissait là-bas depuis longtemps, longtemps avant la tribu de Mohammed. Donc, quand vous voyez par exemple la mosquée avec cette croissant lunaire là au-dessus, là, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Mohamed a amené. Donc, maintenant, c'est tout simplement une divinité païenne qui s'est métamorphosée dans le cadre de religion moderne parce que tout est en train de se moderniser. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, de la même façon, si vous retracez l'islam, vous allez voir l'islam depuis longtemps avant. Longtemps. Il dit l'islam tel que vous connaissez maintenant dans votre Coran. Alors que le Coran vient 1400 ans, il y a cela seulement 1400 ans. Or, longtemps avant. Vous regardez les anciens écrits, vous allez voir effectivement que c'est que Mohamed a parlé au-delà, parce que c'est le même esprit qui inspire les mêmes choses depuis. De la même façon, vous prenez votre Sainte Écriture, c'est donc pour ça que je suis allé vous insister là-dessus. Vous allez remarquer qu'il y a des religions africaines qui sont laissées lever maintenant, ils disent effectivement que la source et le berceau de la religion, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique ancestrale. Et on dit, on parle maintenant de votre Sainte Écriture comme étant un plagiat de l'histoire africaine. C'est ce qui veut insister pour vous, c'est le pourquoi. Alors, cette plagiat-ci, quand ils disent, si vous ne connaissez pas ce que je suis en train de dire, ni ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous allez croire effectivement que c'est vrai. Parce qu'ils vont aller dans l'histoire qui date avant la Bible. L'histoire des Sumériens, l'histoire des Mésopotamiens et autres là-bas. Vous allez voir le culte mère et enfant. Vous allez en Inde, vous allez voir le Krishna, Vashi et Kali. Toutes ces divinités-là, vous allez voir effectivement qu'il y a une femme qui doit porter un enfant et que cet enfant doit mourir et résister. Vous allez voir le culte de Dieu Mithra, le Dieu Mithra dans l'Égypte ancienne, Osiris et Isiris qui doit naître. C'est pour ça que je crois que dans l'enseignement sur la fête des Noël, j'en ai parlé. Où cette divinité-là, en solstice de quoi, lors des solstices d'hiver, c'est la victoire du Dieu Soleil sur l'hiver. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, Jésus-Christ est appelé dans la Bible le Soleil de justice. Maintenant, vous allez voir, on a écrit à l'intérieur que qu'il est le soleil de justice. Or, longtemps, avant qu'on ne vienne écrire cela, cet événement s'est déjà passé parce que les divinités qui étaient chassées du ciel étaient descendues. Ils ont expliqué ça aux hommes, mais en voulant détourner l'adoration des hommes pour montrer que c'est ça. D'où les fêtes païennes que les gens avaient instituées avant le christianisme. C'est donc pour cela que l'église catholique, qui est là, justement la représentation moderne de la Babylone, qui est dans Genèse, parce que c'est elle qui va produire l'antichrist, parce que, souvenez-vous, Nimrod est le premier type de l'antichrist, première représentation. Et donc là, c'était le type. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que, oh mon Dieu, sous toute votre attention. Vous remarquez que tout à l'heure, je vous ai dit que Nimrod avait un royaume physique et avait une dominante. Ah. Benji dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Vous me suivez bien? Bonsoir, frère. Bonsoir, frère Julien. Le son est bon, n'est-ce pas? Alors. Vous remarquez donc que Nimrod, tout à l'heure j'ai dit que Nimrod avait un royaume d'ordre physique. C'est-à-dire qu'il avait un royaume physique tel que vous voyez comme le royaume belge ou le royaume n'importe quoi. Qu'est-ce que le royaume que vous avez sur la terre? Il avait un pouvoir religieux manifeste, puissant. C'est pas ce que vous savez. Et normalement dans la mythologie, Nimrod donc est censé revenir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Nimrod est censé revenir. Maintenant, quand vous remarquez toutes ces choses-là, vous remarquez que dans le premier royaume, Nimrod, il avait en même temps le pouvoir gouvernemental, c'est-à-dire un pouvoir séculier, puis un pouvoir religieux. C'est exactement la même chose que l'Église catholique a. Il a un pouvoir religieux et puis un pouvoir étatique. C'est-à-dire qu'il a en même temps un gouvernement avec son drapeau. Il a un royaume avec ses propres gouvernements, avec sa propre monnaie. Il a ses ambassades partout, les ambassadeurs partout. Il accrédite et reçoit les gens en tant que chef d'État. Quand on le reçoit quelque part, on le reçoit en double titre de chef d'État et chef spirituel. C'est pas ce que je sais. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar, c'est exactement la Babylonie. C'est exactement le titre de Pontifus Maximus, c'est le titre qui a été légué par le prêtre de la Babylonie. Et vous voyez que la Babylonie, là, on se retrouve dans la tour de Babel. Et Babel veut dire la porte des dieux. La porte des dieux. C'est-à-dire que c'est là-bas que les dieux ont créé les portes. C'est quand même terrible. Et donc, ce qui était à la Genèse doit se manifester physiquement sur le plan physique et religieux. Voilà ça de façon moderne. Toutes les castres et des habillements, des accoutrements de la Babylonie se trouvent maintenant à l'intérieur avec les titres. Alors, ce que ça nous dit, donc, c'est que, comme c'est un mystère, la Bible déclare le mystère Babylone, comme c'est un mystère Babylone, les rituels qui étaient contenus dans les cultes initiatiques dans l'ancien temps, dans les Sumériens, se retrouvent incorporés dans l'Église catholique. C'est donc pour cela qu'ils n'ont pas eu du mal à métamorphoser des noms et des rituels religieux, parce que ça correspondait déjà à ce que Satan les avait déjà révélé. C'est là où je voulais en venir. Par conséquent, ils peuvent dire, vous pouvez voir effectivement que dans le culte de Marie, il y a une mère et enfant. Or, ils savaient effectivement que mère et enfant, c'est un culte qui était longtemps depuis. C'est pour ça que les gens disent que, avant que les biens ne viennent avec l'évangile, ils ont plagié ça sur ce qui était passé. Ils oublient que c'est Satan qui les a révélé ça pour ce qui devait venir en réalité. C'est de ça dont je voulais parler donc maintenant ce soir. Donc, en réalité, la Bible n'a pas plagié. Satan a dévancé, comme il avait dévancé Dieu dans la Genèse. Dieu avait dit qu'on n'avait pas expliqué. Il est venu expliquer à l'homme à quoi servait son bâton de commandement. Vous suivez, n'est-ce pas? Voilà, je crois que j'en ai parlé. Vous avez moi? Amen. Alors, donc, quand vous regardez très attentivement, donc, vous voyez effectivement que la magie est sortie depuis la porte des dieux. Tous ces esprits-là sont sortis de la porte des dieux. Après la dislocation, donc, les gens vont descendre maintenant. Chacun va descendre. Le petit sorcier qui parlait la langue Djola avec une autre langue Djola vont se diriger vers le Sénégal et vers la Côte d'Ivoire. Celui qui parlait un peu la langue Bantu de l'autre côté vont se diriger vers le Congo. Ils continuent avec la magie, ce qu'ils ont appris là-bas. Vous voyez cela? Et c'est comme ça que la diversité de cette tradition-là. Maintenant, vous regardez très attentivement, vous allez voir que dans différents cultes qu'on trouve sur la terre, il y a des similitudes dans les traditions et dans les festivités, avec quelques majorations des différences, mais qui n'est pas assez. Mais la dichotomie montre clairement que le point de convergence est unique, c'est depuis la Babylonie. C'est pour ça que la Bible déclare, la Bible dit Babylone la grande, celle qui enivre toute la terre. Donc ça veut dire que toute la terre a été enivrée par la prostitution de ses impuretés. Et par conséquent, c'est de la Babylonie que ça vient. Donc l'Égypte n'est qu'un sous-branchement de la Babylonie. Maintenant, si vous suivez la franc-maçonnerie et la rose-croix d'Amok, que ce soit la d'Amok ou la rose-croix, vous appelez les initiés, ils s'appellent les chrétiens ressuscités ou bien les chrétiens, ceux qui pratiquent le christianisme intérieur. Lorsque vous les suivez, ils vous disent que Jésus était le grand maître de la rose-croix. Et vous voyez dans le piège justement de la Bible. La Bible déclare justement que Jésus, lorsqu'il était né, il est allé en Égypte. Parce que l'ange est venu dire à Marie là-bas que descend en Égypte jusqu'à ce qu'il t'appelle. Effectivement, il a appelé l'enfant hors de l'Égypte, il est venu, et puis il est allé dans sa vie afin qu'il soit appelé dans les arrières. Mais maintenant, on vous pose la question. Où se trouvait Jésus avant entre 12 ans et 33 ans, et 30 ans? Personne ne le sait. Ils disent que c'est ça le mystère. Entre temps, donc, Jésus était en Égypte pour la formation. C'est pour ça que Jésus-Christ est le grand maître de la Rose-Croix. Maintenant, vous regardez dans l'histoire où effectivement, il y avait un Jésus qui était effectivement en Égypte, qui a reçu la formation. Mais c'est Jésus qui a vécu 100 ans avant quoi? Avant quoi? L'histoire dont Maccabée, 1 Maccabée et 2 Maccabée relatent là-bas sur Antiochos. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a vécu 100 ans. C'est-à-dire que moins 160 avant Jésus-Christ. Donc il y avait un Jésus qui est venu effectivement en Égypte. Et puis il était un grand maître, mais pas le Jésus de la Bible. Mais il s'appelait effectivement Jésus. Et son papa, son fils d'eux s'appelait Jésus. Et donc quand on dit aux chrétiens, ils viennent confondre les gens sur la terre, ils disent que Jésus était en Égypte. Vous voyez, ils prennent tout simplement le nom. Il ne s'agit pas de Jésus de Nazareth. Parce qu'en réalité, vous voyez effectivement, la rose croix dit une chose et son contraire. Ils disent que la rose croix d'or était pratiquée 3000 ans depuis l'Égypte avant Jésus. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être Jésus qui était le grand maître de la rose croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on prend toujours les similitudes de la Bible comme ça pour essayer de confondre les chrétiens, ceux qui ne sont pas assez à parole. Donc vous avez intérêt à lire la Bible. À lire la Bible. Jésus n'a jamais été descendu dans l'Égypte. Et pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, vous regardez la branche musulmane des Ahmadiyya, si vous connaissez les nouvelles branches de l'islam, dont les sunnites taxent des sectes. Et ces grands, je vais revenir sur ça dans un autre enseignement pour sur les musulmans, ces groupes des Ahmadiyya disent effectivement qu'ils détiennent le califat, que le Messie, le Mahdi, qui devait venir avec le califat, le quatrième califat, est déjà venu et il est en train d'enseigner les musulmans aujourd'hui. D'autres encore, pendant qu'on en a parlé, en 2011, effectivement, il y a quelqu'un qui est sorti au Sénégal en disant effectivement qu'il est le Mahdi. Il a fait lancer l'appel, il y en avait 311 de ses fidèles qui sont venus au dérang de lui. Et ça a fait moult face au Sénégal, à Dakar particulièrement, et beaucoup de personnes avec des remous au milieu musulman. Ces sectes-là ont grandi comme ça. Donc, chez les musulmans, même chose se passe. Pourquoi? Parce que dans les écrits de Mohamed, il y avait les Sunnah et les Hadith, il est prévu que lorsque le Mahdi va venir, il va amener 311 personnes avec lui. Vous entendez effectivement qu'il va sortir de telle communauté pour venir lutter contre le Dajjal. Pendant ce temps, une autre branche enseigne que le Dajjal va sortir de la Turquie. Et d'après ce que le prophète Mohamed a dit, on a entendu que le Dajjal aura la main gauche, quoi, les yeux droit fermés. L'autre dit que il sera bon des yeux ici. Cette communauté-là va amener ici l'embrouille au milieu musulman. Mais les prophéties musulmanes disent dans le livre les Hadith et les Sunnah que, exactement comme toutes les religions étaient divisées et sont divisées dans la communauté musulmane rivale également, c'est divisé en 72 communautés, mais une seule de ces communautés sera bonne. Les Ahmadiyya disent que c'est une véritable communauté. En rejetant certaines façons de faire d'interprétation de la mort de Jésus dans le livre des sourates du Coran, vous voyez effectivement, ils donnent leur interprétation. Et je suis en train de prendre leur cas parce que dans leur interprétation, ils disent que Jésus-Christ serait mort au Cachemire indien et par conséquent, son tombeau se trouve là-bas, il a vécu là-bas jusqu'à l'âge de 120 ans. C'est le même Jésus dont les musulmans disent qu'il n'est pas mort, qu'il est effectivement Dieu, Allah l'a enlevé, il a changé Judas. C'est le même Jésus qu'une autre communauté musulmane dit qu'il est mort là-bas à 120 ans au Cachemire indien. Et c'est lui qui aura fondé. On a même monté sur la tombe là-bas de ce côté-là. C'est le même Jésus dont les Noirs, les Bantous disent effectivement qu'il était issu de la tribu de Judas. Et s'il vous plaît, Judas, d'après eux, se trouve à Yaoundé. Donc Jésus était, Jésus-Christ de la Bible, serait un Yaoundéen. Donc la terre promise, c'est à Yaoundé. Voilà le même Jésus qui crée. Je crois que je vais venir dans votre enseignement avec. J'espère qu'il ne va pas vite là. Je n'ai pas vu, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'il fatigue les gens. Je crois qu'il préfère vous laisser vous parler de votre question. Alors, non, c'est intéressant. Tout ceci, c'est pour vous montrer à quel temps nous vivons. Et vous voyez que ce seul Jésus est en même temps chez les musulmans, c'est une chose. En même temps chez les musulmans, Ahmadiyya, c'est une chose. Chez les catholiques, vous allez le voir, vous allez voir l'enfant de Jésus chaque fois dans le berceau. On dit l'enfant de Jésus, c'est pas le Jésus de la Bible, parce que le Jésus de la Bible, quand il est né, il a grandi. Il est allé, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il se trouve à la droite de majesté. Nous sommes en train d'attendre plutôt sa venue. Chaque jour, ils sont avec le bébé. Chaque jour, ils sont avec le bébé, que bébé Jésus, bébé Jésus, bébé Jésus. Il s'agit des Sémiramis et des Nimrod. C'est sa prophétie qui est là-bas. Les satanistes qui vont à l'église catholique savent de quoi il est question. C'est l'initiation au culte mère et enfant. Donc, ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Mais le vrai problème, c'est que Satan a inspiré la naissance d'un enfant qui sera le roi de justice sur la terre en prenant ces attributs-là pour les appliquer et les implémenter dans les différentes cultures avant que Jésus ne vienne sur la scène. C'est donc pour cela que ça n'a pas été difficile pour les satanistes de le reconnaître. D'accord, mes chers? Mmh. Bégis dans la sainteté. Mmh. Prenons donc une respiration musicale et on revient, d'accord? Mmh. Que Dieu vous bénisse. Amen. On en a besoin. Hein. Vous en avez besoin. Qui vous bénisse. Avec l'histoire qu'on vient d'entendre. Mm. Prenons une respiration musicale. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Quel qu'en soit le cas, ça va aller, d'accord? Amen. Mm. J'espère que je ne vous ai pas fatigué, n'est-ce pas? Non. Non, non. Tu nous as réveillés. Ça m'a réveillé. Absolument. C'est ça. Moi, j'étais fatiguée. Mais là. Ah là là. Ah. Tu n'es plus fatiguée, n'est-ce pas? Ah non, là, ça va. Là, je suis réveillée avec cette histoire. Oui, j'avais vraiment promis que quand tu vas commencer à lire, là, la fatigue va partir. Pas vrai? Non, non, c'est vrai. Mais ouais. Mmh. Là, je suis plus fatiguée. Vous voyez effectivement que vous ne devez pas prendre à la légère ce qui a laissé pointer à l'horizon. Parce que la Bible nous dit qu'avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous allons nous trouver dans un mélimélo spirituel qui est un melting pot de tout genre d'acculturation qui soit passée sur la terre. Il a dit lui-même dans le livre de Luc, au chapitre 17, que ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe se trouvera à la fin, à la venue du Fils de l'homme. Donc il y aura l'homosexualité sur la terre à outrance. Et lorsqu'il dit ça, il faut faire attention. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 17, il dit ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se manifestera avant la venue du Fils de l'homme. Puis, si vous rentrez dans le livre de Genèse au chapitre 18 et chapitre 19, la Bible déclare que l'Éternel lui-même est descendu avec les anges pour dire à Abraham que le cri de Sodome est arrivé jusqu'à moi et puis je suis descendu pour voir ce qui est dit est exact. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les anges sont arrivés à Sodome et à Gomorrhe, ils étaient tellement assoiffés de faire l'intimité avec les hommes au point où la Bible déclare depuis les plus petits jusqu'aux plus vieux. Donc même les enfants étaient dans l'homosexualité. Et Jésus dit, ça va arriver. Vous y êtes. Mais regarde pas comme ça. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. Mais regarde pas comme ça. Voilà. D'accord, mes soeurs. Amen. Catastrophe, vraiment. Catastrophe. Catastrophe. Mais effectivement, frère, parce que tu as quand même aussi répondu à une de mes questions que je me posais. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la tour de Babel a été fondée à partir de Nimrod. Effectivement, moi, je me posais la question, mais pourquoi, en fait, dans Apocalypse, ça appelle l'Église catholique Babylone. Donc, du coup, je ne comprenais pas ce mélange-là. C'est elle qui est sur la terre qui implémente. Les esprits ne meurent pas. Thomas Sankara en avait parlé du panafricanisme. On l'a tué, pas vrai? Mm-hmm. Kwame Nkrumah, Sékou Touré et tous les panafricanistes qui ont eu lieu, Mohamed Kadhafi, vous remarquez qu'il y a le vent des panafricanistes qui s'élève, n'est-ce pas? Parce que c'est un esprit qui les anime. Vous ne pouvez pas tuer, vous pouvez le faire taire. D'accord? Donc c'est comme ça. Ce qui a commencé ce numéro va s'achever. Et ça va s'achever justement jusqu'à la venue. Le Messie va venir alors que Babylone la Grande va produire. Dans votre Parlement européen, remarquez à Strasbourg, vous avez vu la chambre du Parlement européen. Ils ont construit ça exactement à la tour de Babylone. Le bâtiment. Pendant qu'on va prendre la pause, cherchez la chambre du Parlement européen à Strasbourg. Vous allez voir effectivement l'image. Prenez l'image, vous allez voir que l'image, c'est la tour de Babel représentée. Et quand nous allons revenir après la pause, je vais vous dire ce que ça signifie et ce qui sont les faits devant Dieu et ce qui va arriver à la France. La France est mal barrée, je vous le dis. La France est mal barrée, qui continue toujours comme ça. N'ayez pas peur, d'accord? Pour les chrétiens qui sont là-bas, quel qu'en soit le cas, Dieu les fait toujours sortir. D'accord, mes soeurs? C'est mon cas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, cherchez la tour de Babel, enfin, la tour européenne, ou c'est quoi, comment vous appelez ça, le Parlement européen de Strasbourg. Vous allez voir. Allez, tout à l'heure. On appelle à Dans la sainteté, rebonsoir. Bonsoir, frère. Après cette respiration, une ponctuation musicale, c'était nécessaire, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, sur mon écran, comme vous le voyez, je ne sais pas combien de personnes se trouvent. Il y a la soeur amie qui, je ne sais pas si c'est l'eau qu'elle a mise au feu, mais c'est lui qu'elle a mis. Vous voyez, il est en train de couper pour aller vérifier ce qui se passe. La soeur Myriam. La dernière fois, on a travaillé, quoi, c'est elle qui dormait. Je ne sais pas. La sœur Myriam est où, je ne la vois plus. La sœur non plus, je ne la vois. Vous voyez sur l'écran, là, je ne vois plus personne. Je vois juste le frère. Mon frère, je suis là. Oh, oui. Vous voyez le frère, je vous ai dit tout à l'heure, non, vous avez vu le frère. Vous voyez. Voilà mon frère Jean-Marie là-bas. Vous m'avez vu dans la chaise comme si c'était là-bas dans la chapelle Sixtine au Vatican. Bon, c'est mon frère, c'est mon bien-aimé frère là-bas. Mon frère que Dieu m'a donné. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes ensemble dans le combat. D'accord? Amen. Mm-hmm. Alors, je crois que quelqu'un, pendant que nous sommes au travail, quelqu'un a envoyé sur le forum cette image de la tour. J'espère que je vais retrouver cela. Là. Voilà. Je crois que c'est le frère Benjamin. Merci. Merci pour cette promptitude. Alors, maintenant, vous avez devant vous la tour de Babel. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça s'affiche sur votre écran. Oui. Alors, vous voyez effectivement que dans cette tour de Babel, ça symbolise l'endroit, la zone où ils étaient arrivés, dans ce dessin-ci, où Dieu les a frappés, ils sont tombés. Et cette tour de Babel, justement, lorsque la maquette a été présentée pour la construction du Parlement européen, souvenez-vous, le Parlement européen, c'est là où les grandes décisions de l'Union européenne se traversent, se passent à Strasbourg, ça se trouve à Strasbourg, ce bâtiment que vous voyez. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur Bamba Iba, vous pouvez retrouver cette image-ci sur Google Image. Et vous voyez effectivement que justement, il y a cette partie-là. Ils ont construit, ils ont laissé les parties effectivement non achevées, exactement comme la tour de Babel. Si vous avez fini de voir, je vais enlever l'image, je vais vous regarder en face pour vous dire ce qu'il en était. On y va. Vous y êtes. Je peux enlever maintenant l'image. Oui. Ok. Bon, maintenant, vous entendez que les hommes sur la terre cherchent des problèmes avec Dieu. Cherchent des problèmes. Alors, cette image des tours de Babel que vous venez de voir, pour comprendre sa signification, et de toute façon, son concepteur en a déclaré. Où est la sœur Mimi là? Oh là là. Tout le monde m'entend? La sœur entière là? Je suis là, mon frère. Vous ne Voilà. voyez pas ma caméra? Alors, je ne vois pas. La sœur Myriam. Myriam nous entend? Vous voyez, ces choses, je ne voulais pas dire. La sœur Suzanne Clodon, elle est là. Oui, j'entends. Je suis là, mon frère. Ah, Tu ne vois pas? la sœur Myriam, tu sors où? Tu étais aux escaliers. Tu étais où? Tu étais où, la sœur Myriam? Voilà. Maintenant, elle peut parler, n'est-ce pas? Alors, donc, vous voyez donc sur votre image, si vous n'avez pas pu trouver, j'espère que vous aussi. Voilà. Je crois que quelqu'un d'autre a envoyé l'image, c'est la sœur car merci, merci, merci pour votre promptitude. Alors vous voyez effectivement encore cette même image-là de notre dessin et la même chose là-bas. Voilà, je crois que continuez à envoyer, merci, merci, vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Et là, nous, la sœur Clodon, que ce que le Seigneur te bénisse. Prenons cette image de la sœur que le sœur Clodon a postée et voyons ce qu'il en est. Je crois que c'est, je ne sais pas où c'est, cette autre image est située. C'est la sœur Suzanne qui nous a envoyé cela. Permettez, j'espère que la connexion permettra que nous voyons ceci. Le temps que ça se déchaîne là, vous voyez qu'en réalité, les hommes d'État que vous dites. Oula, où est cette image là encore là? Permettez que ça s'ouvre. Vous voyez? Alors, la sœur Suzanne Clodon, cette image-ci, normalement, ça se trouve à côté du Parlement européen, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous constatez sur votre cette image? C'est une image d'un taureau, d'une bête montée par une femme. Vous le voyez, n'est-ce pas? Absolument. Apocalypse. Ouvrez Apocalypse chapitre 17. Vous allez voir effectivement que vos chefs d'État sont des satanistes. Ouvrez Apocalypse chapitre 17. Et là, ça se trouve à Strasbourg, en France. Donc vous voyez que la ville de Paris n'est pas au hasard. La tour Eiffel n'est pas un hasard. Tous ces différents obélisques qui sont dans la ville. Enfin, à la tour Eiffel, devant la tour Eiffel, vous avez vu l'obélisque qu'on a mis tout là-bas, tout au rond-point là-bas, qui est exactement comme la pyramide qui se trouve à l'intérieur du Vatican. Cette même pyramide qui se trouve aux États-Unis. Cet obélisque qui est long comme ça, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 17. Où est la sœur Mimi? La sœur Je Mimi. suis là. Voilà, la sœur Mimi, Tout tu le es là. monde est là, apparemment, hein. Voilà, tout le monde est Sauf là. toi. Sauf moi, je suis là. Ok, lis-nous C'est le pas qu'on verset. ne voit pas. Ouais. Vous ne me voyez pas. Apocalypse. Chapitre 17, verset 1 Non. à 4. Versets 1 à 4, d'accord. Oui. Alors, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma Eh soeur. ben, je continue? Non, c'est bon. C'est bon. Merci pour vous. Donc, ceci devait vous pousser à travailler sur ces choses. Tout ce qui est fait, c'est tout simplement vous donner les directives pour que vous voyez. Vous voyez, sur votre, vous voyez à droite là le Parlement européen et de l'autre côté pour le tour de Babel par Bruegel, n'est-ce pas? C'est la sœur reine qui nous a servi cela. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver donc, ça facilement maintenant. Maintenant, je vais vous parler. Je peux parler maintenant. Cette tour de Babel telle que dessinée et la maquette telle que dessinée. Écoutez très attentivement. Une fois de plus, je veux votre attention. Je ne sais pas comment je vais faire avec cet ordinateur pour avoir toute votre image devant moi. Vous voyez, je suis mon CPU à 94%. Pourquoi c'est pour ça? Mais ce serait bien de te voir aussi, non? Vous ne me voyez pas? Voilà. Si, si, moi je te vois, mon frère. Ah bon? Voilà. Je vois. Bon, de toute façon, si vous m'entendez maintenant, ça me plaît. Ça m'ira. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Je vais tout votre OK tout ce moment. Voilà. Le frère Benjini est là. Je suis là, frère. Voilà, merci beaucoup. Alors, d'un côté, du côté gauche de votre écran, vous avez vu la tour de Babel dessinée par Bruegel. C'est cet homme qui a, ce dessinateur qui avait fait cette maquette-là, la tour de Babel. De l'autre côté, vous avez le Parlement européen. Et ce Parlement européen a été réalisé avec une maquette. Enfin, de ces grands édifices et réalise d'abord avec le maquette. Et lorsque quelqu'un dessine une maquette, on lui pose la question, pourquoi vous cette maquette-ci en montant un immeuble ou bien un bâtiment inachevé? Et cette personne-ci dit, en déclarant qu'on a détruit les gens à cause d'une seule langue, pour qu'on ait beaucoup de langues, dans la confusion. Dans ce parlement-ci, malgré que nous avons beaucoup de langues, nous allons nous entendre. Vous comprenez par quoi là-dedans? Quand cette personne se déclare ces choses. Donc, cette personne essaie de déclarer en clair, avec le langage simple, c'est que Dieu, quand on avait une seule langue, il nous a détruits pour que nous ne formions plus une seule langue. On va lui lancer le défi, lui montrer maintenant que même avec ces multitudes de langues, on va toujours se réunir. Le nouveau ordre mondial. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Nous sommes en plein dans une désobéissance et une guerre déclarée contre Dieu. Pas étonnant que la suite de ces livres d'Apocalypse, chapitre 17, dit clairement qu'ils vont se réunir, ils vont combattre contre l'agneau. L'agneau va les. Ils vont réunir avec les chefs militaires. Et Dieu va appeler les oiseaux du ciel à venir manger la chair des chefs militaires, les chefs d'État de ce monde-ci. Frère, on est dans une phase de dégringolade dans le plan de Dieu. À tout moment, tout peut arriver. Ces genre de choses devaient nous faire frémir. Parce qu'ils construisent ça, ils font le défi à Dieu, exactement comme ceux-là avaient fait le défi à Dieu. Dieu avait remarqué qu'ils avaient une seule langue. Et quand il y a l'entente, ils vont faire. Ils disent voici, ils forment un seul peuple et rien ne les empêchera. Et celui-ci, en construisant, dit ok, comme il avait détruit, souvenez-vous, c'est un esprit qui a dit de parler. Comme il avait détruit, alors que nous avons une seule langue, on va lui montrer que, et les Allemands dans ce parlement, et les Suédois dans ce parlement, les Yougoslaves dans ce parlement, les Russes dans ce parlement, les Suisses dans ce parlement, nous allons finir par nous entendre, le projet sera mis sur place. Donc tout ce que vous faites là-bas dans l'Union Européenne, le but c'est pour former l'Antichrist. Un endroit propice pour l'Antichrist, le nouveau ordre mondial. En tout cas, vous avez vu dans le discours de Nicolas Sarkozy, depuis le 11 septembre 1981, après le discours, quoi, la chute des deux tours, une fois de plus, les deux tours, le 11 septembre, George Walker Bush Jr. a dit clairement que nous voyons effectivement que le monde actuel a besoin justement rapidement d'un nouveau ordre mondial. Avant lui, 1999, lors de la guerre en Irak, souvenez-vous, la guerre en Irak, dans la tempête du désert, l'opération tempête du désert, c'était la zone de l'Irak de Babylonie, où Saddam Hussein régnait exactement comme la représentation des fils descendants du Nebuchadnezzar. Lorsqu'il l'a fait en 1989, toujours en septembre 1999, dans son discours au Parlement, il a dit quoi? Il dit que c'est lui qui est le premier à avoir dit ça de façon claire, le plan machiavélique qui était prévu dans les ténèbres et dans le Conseil des 13. Le monde a besoin d'un nouveau ordre mondial. Le pape Jean-Paul II l'a dit de façon solennelle dans l'ONU. Alors qu'il a donné le discours en tant que chef de l'État, chef du Vatican, chef spirituel, voilà, je crois que c'est une soeur qui a dit qu'il va doucement là. Le pape Jean-Paul II a dit qu'il nous faut un nouveau ordre mondial. Nicolas Sarkozy, alors qu'il était président, a dit à plusieurs reprises, en pointant la caméra, que ce nouveau ordre mondial, ça sera avec vous ou sans vous. Pour signifier que rien ne peut les arrêter, ne peut freiner leur plan. Et Dieu dit dans la Bible justement que le nouveau ordre mondial va se former. Amen. Belgique, dans la sainteté, bonsoir. Amen. Amen. La sœur Anne, je te dis merci encore pour cette question, d'accord? Je crois que la sœur Anne, la sœur Mimi, je crois qu'il va vraiment doucement maintenant. Je vais terminer tout à l'heure. J'ai le temps de vous montrer tout simplement que des choses qui se trouvent. Le cadre du nouveau ordre mondial, ce que nous voyons là, et la tour de Babel, avec sur la place maintenant la maquette, et c'est même pas seulement la maquette, la réalisation de cette œuvre-là de Strasbourg, devrait vous faire comprendre que tout ce que le gouvernement fait ici sur cette terre-ci, c'est contre la Bible. Le but, c'est contre la Bible. Tout ce qu'ils sont de faire, la loi sur la laïcité, ils ne visent pas trop les musulmans. Ce n'est pas eux, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Parce que les musulmans ne convertissent pas le cœur. Ils vous convainquent par peur. C'est parce que le cœur, la Bible dit qu'il faut que le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur n'est pas affermi par la peur, jamais. Vous comprenez que si je quitte là, ma famille en tant que musulman, on va me tuer. J'ai peur. Par conséquent, il reste là-dedans pour suivre la religion de mes pères. Que non. Le Saint-Jésus ne force personne. Il a dit que si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Le Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et donc, tout ce qui se passe sur la terre, toutes les guerres qui se produisent sur la terre, tous ces bouleversements, c'est pour pousser les chrétiens à pécher contre Dieu et à vivre en deçà de la loi de Dieu. Quand Satan sait effectivement qu'il peut te pousser tout simplement à vivre hors de la loi de Dieu, ça veut dire que tu es hors de sa couverture. Comme le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ta parole, c'est par sa parole qu'on est sanctifié, qu'on est couvert. D'accord? Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il fait tout et tout seulement pour sortir de loi afin que nous nous comprenions avec la vérité. Et si vous comprenez sur la vérité, ça montre clairement que vous allez marcher dans les ténèbres. Bergé de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. C'est toujours un délice pour moi d'être à votre service et de partager avec vous ce soir, chaque soirée que nous rencontrons. Amen, amen. Alors, des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut retenir aujourd'hui l'essentiel que les gens vont venir vous persécuter en disant que les Bibles que vous avez là ont été falsifiées par l'histoire des Africains. Même les archéologues vont montrer dans l'histoire que avant que la Bible ne parle de telle chose, ça avait parlé. Dites-leur oui, je sais. Mais le grand maître usurpateur de la Bible, vous avez présenté ça avant. Ça ne demeure pas pour autant que c'est lui qui a raison. D'accord? Quand Satan est venu avant Dieu, des gens à Ève pour lui expliquer à ce à quoi ce qui était entre les deux poteaux là. C'est à quoi ça se référait. Avant qu'il ne dise ça, Dieu était puissant pour lui expliquer. Mais il n'était pas de sa mise, ni de sa taille, de lui expliquer c'est à quoi ça servait. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et vous comprenez, vous êtes des grands enfants, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, n'allez pas dire qu'il faisait encore le péché original. De toute façon, c'est ça qui s'est passé. Même si vous vous fâchez. Alors, donc, Satan n'avait pas le droit en tant qu'être de lui dire. Ce n'est pas sa sagesse, justement, il s'est corrompu. Donc, quand vous allez remarquer que Satan vient comme ténèbres, il règne. En proposant aux hommes les choses qui vont venir dans la lumière. Vous allez chez le marabout vous dit souvent la vérité sur le problème dont vous souffrez. Effectivement, vous souffrez de ces problèmes-là. Mais pourtant, un serviteur de Dieu authentique vient et vous dit la même chose. Vous dites, mais le marabout là, c'est aussi Dieu que non. Que non. Satan est plus sage que Daniel. Souvenez-vous de cela. Satan, et rien n'est caché, dit la Bible. Il connaissait les lois du ciel. On dit Satan connaissait les lois du ciel. Il envoie l'ouragan comme Dieu envoie l'ouragan. Il envoie les inondations comme Dieu envoie les inondations. La Bible déclare que c'est seulement Jésus-Christ qui va le détruire. Et, mais regardez bien avec toute sa puissance qu'il a. Vous allez regarder le film de la Bible. Le dernier combat se trouve dans l'Apocalypse. Vous n'allez pas voir nulle part où Jésus-Christ va le toucher. Ni va le coucher. On dit que le moment est arrivé, on va le capturer et le jeter dans l'état avec vous comme un faible macrochard. Et dans Éphésiens chapitre 14, on dit que tu es voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur, le dominateur des nations. Tu disais en tant qu'un, laissez-le avec l'orgueil là. Le moment venu, Dieu donnera le droit, on prend, on le met là-dedans. Fin de citation. Je suis à votre service. Donc, souvenez-vous, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes en France, souvenez-vous que vous êtes en plein idolâtrie. C'est grave. Je crois que, si vous le permettez, un des sujets qu'on va voir, on va parler de l'idolâtrie moderne dans nos villes et dans nos cultures. Si on peut parler de ce sujet-là, on examine. Vous voyez toutes ces choses. Notez tout simplement le jour où vous voudrez, vous demandez qu'on en parle. C'est fort partout, partout. Donc, vos choses que vous allez vous filmer. Mais frère, un peu d'ingénieur. Comment? Frère Junior, oui, là, ma soeur. Et comment peut-on se départir de tout ça? Je veux dire, moi je suis choquée parce que j'entends, parce que je me dis, mais comment peut-on s'en sortir? C'est-à-dire que bon, on a l'avantage d'entendre ça, d'écouter les enseignements, mais je pense que seul, on ne peut pas y arriver quand on lit la Bible. Hein, je parle pour moi. Je pense que pas mal de personnes lisent la Bible, mais n'ont pas la même lecture que tu peux donner. Donc je m'inquiète. Je m'inquiète parce que les gens vont pécher de bonne foi parce qu'ils ne savent pas. Oui. Mais on est entouré Enfin, j'ai envie de dire qu'on est, on est piégé. Oui, on est dans un labyrinthe. Piégé. Oui, complètement. Et avec toute la bonne volonté du monde, c'est compliqué, quoi. Alors maintenant, voici ce que mon grand frère a dit. Avant de dire ce que mon grand frère a dit, je vais dire ce que notre grand frère a dit, d'accord? Lorsqu'il quittait la terre, il a dit dans le livre des Jean au chapitre 15, si vous lisez les versets 18 et suivants, il dit, parce que je vous ai choisi du monde, le monde m'a haï parce qu'il ne m'a pas connu. Si je n'avais pas fait une œuvre que nul autre n'aurait pas fait, il n'aurait point d'excuses. Il n'aurait point de péché. Mais maintenant, il n'a point d'excuses. Puis il va dire qu'ils vous haïront parce que je vous ai choisi. Quand il vous a choisi là, ils vont vous haïr. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. Si on reçoit ma parole, ils vous écouteront aussi. D'accord? Ça veut dire que Jésus vient de dire clairement qu'il n'y aura pas d'entente entre eux et nous. Là, c'est un. Les deux, au sortir du ministère terrestre, il va dire dans le chapitre 28, le verset 19 et 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand on a fait des disciples, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Enfin, vous allez sur YouTube, vous allez voir les gens qui font les dénonciations des nouveaux modèles de complot. Vous allez voir, par exemple, David Eckler qui fait la dénonciation là-bas en Angleterre. Il parle de la reine d'Angleterre comme étant la race des serpents, la race des vipères, la race des Nephilim qui sont parmi nous. Mais lui-même, il n'est pas chrétien. Donc, en clair, il joue le jeu de Satan. Il a enchaîné Satan en dénonçant Satan. Vous voyez cela? Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, Jésus, notre Seigneur dit, enseignez-leur à observer. Donc, quand on est disciple, on vous enseigne à observer. Ceci a deux volets. Ça veut dire que Jésus, notre Seigneur, parce qu'il promet que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça suppose que dans ce processus d'enseigner jusqu'à la fin du monde, il sera là pour nous soutenir. De deux, ça suppose qu'il y aura des gens qui l'aura envoyé pour enseigner les disciples. De trois, les disciples seront là pour qu'on puisse les enseigner. Si on va les enseigner à observer, ça suppose qu'il y a des choses qu'ils doivent ignorer pour qu'on puisse leur enseigner. C'est pour cela que nous sommes envoyés. D'accord, ma soeur? Donc, sois-en sûr, dans cette lecture, c'est vrai que quand on regarde sur le plan grosso modo, on comprend que l'humanité est mal barrée. Mais les disciples ne sont pas mal barrés. Ça, c'est un. C'est pour voir, on voit tout simplement le chaos. Ces photos-là, ces photos que tu fais, cette image que tu fais, c'est tout simplement en voyant l'ignorance dans laquelle les hommes se trouvent. Mais tu ne peux pas avoir pitié des hommes plus que Dieu. Quand tu entends ça, tu dois seulement dire merci Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre Psaume 105? Il y a deux passages que vous allez lire, vous allez voir effectivement comment c'est amusant. Dans le Psaume 119, le verset 115, qu'est-ce que la Bible déclare? Vous allez voir, c'est que c'est merveilleux. L'évangile a été prêché depuis, même dans les psaumes. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Qui y est déjà? Le psaume 119, verset 115. Je n'ai pas dit le verset 105, c'est parce que sur le verset 105, vous connaissez déjà ça. Mais c'est vrai qu'on va y lire. Allons-y. Verset combien? Verset 115, ma soeur. Waouh! Qu'est-ce que ça dit? Je déroule. Oui, comme c'est électronique là, que tu pourras souligner, ma soeur. Courage, d'accord? Ta Bible arrive. J'ai pas encore ma Bible qui doit arriver bientôt. Oui, ça va arriver bientôt, très bientôt. Que Dieu te bénisse. Alors, voilà. Qui a là? Alors, qui a une bonne connaissance? Oui, vas-y, lis, ma soeur, lis. Voilà. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse. Je continue? Non, c'est bon, il lit le verset 115 seulement. Alors, d'après ces seulement, versets, d'accord. D'après ces versets, il faut une séparation avec les œuvres des méchants, les méchants avec les œuvres, pour que tu puisses servir et suivre le commandement de Dieu. Donc, il faut une séparation. Autrement dit, il faut la délivrance pour pouvoir marcher dans la sainteté. N'est-ce pas, mes soeurs? Ne t'inquiète pas, ma soeur. Mais c'est ce qui est écrit, non? Et dans le psaume 119, justement, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à nos sentiers. Si la parole doit être une lumière à nos sentiers, et le sentier, c'est le chemin. Et vous voyez effectivement que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, s'il dit que c'est une lumière sur nos sentiers, ça montre clairement que les sentiers sont ténébreux. N'est-ce pas? Et si les sentiers sont ténébreux, il dit que la seule façon d'éclairer, comme pas de ténèbres, ça, la lumière que vous voyez dans le jour, ce n'est que le symbole de la réalité spirituelle. Ça suppose donc que si on vous amène dans la réalité spirituelle, vous allez remarquer que le monde que vous voyez avec la lumière est dans les ténèbres. Et la seule façon de pouvoir s'en sortir dans les ténèbres là, c'est de marcher d'après la parole de Dieu. Le verset 9 dit à juste titre, comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Donc marchant d'après la parole du Seigneur, tu as de marcher dans la lumière. Parce que la parole est la lumière. Et par conséquent, si chacun reste dans les ténèbres, ne veut pas savoir, oh non, si Francis Nicolas a cru ce fait, c'est pour lui. Si les résolutions, c'est pour lui. Si le pape est ment, c'est son problème. Moi, je m'en vais. Je suis sûr que je m'en vais seulement prier Dieu. Tu mens. Tu sais le Dieu qu'il sait. Tu collabores avec les ténèbres. Il n'y a pas de collaboration avec les ténèbres. Jésus, notre Seigneur, a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, ouvrez. Jean, chapitre 14. Vous y êtes. Ben, j'ai la santé, vous êtes finalement calme comme ça, je ne parle plus. Mais vous êtes fatigué. Vas-y, mon frère. Il est 23h33 à Douala, Cameroun. J'arrête ou bien on continue? Continue, frère. Verset 30 du chapitre 14 des Jean. Personne ne veut lire. Je vous dis qu'on continue comme ça. La sœur Myriam est là. Allons-y, lis mon frère. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde est bien, il n'a rien en moi. Voilà. Voilà. Voilà la sœur qui a posé la question tout à l'heure. Voilà le. Qui a l'air de bouger là. Il y a la sœur Mimi qui a l'air de bouger. Quoique son micro a l'air de bouger sur son corps. La sœur Mimi, prenez attention. La Bible dit ici, c'est Jésus qui parle. D'accord, ne bouge plus. Parce que nous sommes dans des périodes périlleuses. Il faut périlleuses. Vraiment, il faut qu'on regarde ces choses avec minutie. Alors, c'est le Jésus, notre Seigneur, qui dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Ça veut dire que la collaboration physique qu'il avait avec eux là, ça ne sera plus comme ça. L'intimité qu'ils avaient, qu'ils touchaient, mangeaient avec eux, ça ne sera plus comme ça. Il dit que il veut partir. Il dit comme ça parce que pour dire que il veut partir parce que le prince de ce monde-ci, c'est Jésus qui dit, Satan est le prince de ce monde-ci. Donc c'est le chef, le gouvernant principal de ce monde-ci. Et puis Jésus dit cette parole fracassante. Il dit, il n'a rien en moi. Il, Lucifer, n'a rien. Donc dans mon corps, dans ma vie, il n'y a rien qui lui appartient. Je crois qu'une de ces fois, on va parler du sujet. Qu'avez-vous de commun avec celui-là? Il faut que chacun examine sa vie pour voir ce qu'il a de comme attribut qui appartient à celui-là. Vous lui remettez son attribut rapidement. D'accord, mes frères? Alors, donc, le but de toutes ces choses... Quand nous parlons de toutes ces choses-ci, de Strasbourg, de Nemrod et Semiramis, vous allez voir, quelqu'un va aller acheter une statuette de Mamadou Ebinita, de cette femme africaine là-bas, haut là-bas. Souvenez-vous, quand vous voyez cette appellation-là, Aïssato, ceux qui s'appellent Aïssato, Raïssa, Aïcha, Myriam, Marie, Askera, Isis, tout cela, Diane, c'est le même démon dont la Bible est en train de parler là, c'est elle. Donc, c'est les questions. Vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand vous voyez Aïcha, quand vous dites Aïcha, elle va sachez que c'est la reine frère Junior. Oui. Non, frère Junior. Oui. J'étais en train d'écrire que ma fille s'appelle Aïssatou. Frère Junior, tu as du travail, hein? Aïda, c'est Aïssatou. Oui, exactement. Il faut venir vite, c'est mieux. Oui. On va débaptiser son nom alors, quoi. C'est grave, hein? C'est très grave. Vous voyez, quelqu'un accouche son enfant aujourd'hui, il met son enfant parce qu'il a entendu des choses. Que Shekinah, il met Shekinah. Et c'est quoi? Ça veut dire la gloire de Dieu. Non, ma fille, c'est la gloire de Dieu. Il croit que c'est la gloire de Dieu. C'est terrible. Mais frère Junior, Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi, quand même. Le monde est plongé dans l'ignorance. La Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 14, verset 5, que les païens ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, ils sont ignorants. Et maintenant, quand vous prenez le calendrier des païens, vous mettez devant vous pour chercher le prénom, vous cherchez quoi dans la langue, vous pensez que vous allez avoir quoi? D'autres cherchent dans les films qu'ils voient. Quand c'est la période de Beverly Hills, ils disent, voici mon fils, ça s'appelle Brandon Walsh. La personnalité de Brandon Walsh que celui-là joue là, vous pensez que Brandon Walsh c'est qui? Quand vous entendez quelqu'un comme Spielberg, ou c'est Steven Spielberg, un grand sataniste, réalise son film, choisit les personnalités, vous pensez que la personnalité que vous allez jouer? Vous entendez quelqu'un dire Batman. Batman, ça veut dire quoi? Non, mauvais. L'homme chauve-souris, c'est pas bad. C'est pas bad, c'est Batman. Oh. Donc, l'homme chauve-souris. Un homme, c'est un chauve-souris. C'est le sac là qu'on voit, on met pour les enfants. D'autres vont acheter des sacs avec le Spider-Man. Spider-Man. L'homme araignée. Araignée. C'est terrible. Et puis, il vient devant l'écran, il fait ça. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il vient comme ça, il se filme avec ses deux. Bon, on filme, c'est sur le sac. On achète. La tête des morts, avec le gros quoi sur le cou, quelqu'un achète juste parce qu'il met là, il met le ceinture pour qu'on bien voit que son ceinturon, c'est la tête des morts. Tu dis, c'est quoi? Il dit, c'est quoi là-bas? Il dit, c'est le skull bone. Il dit, tête des morts. La tête des morts fait quoi sur le terrain? On achète, on met. D'autres portes, DG. DG, c'est quoi? C'est Dolce et Gabbana. Qui sont-ils? C'est Dolce et Gabbana. Ce sont les Italiens, les deux Italiens qui se sont mariés. Deux hommes qui se sont mariés. Ils ont ouvert leur marque de fabrique. Et tu portes, tu es chrétien. Que Dieu vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Ah, ça, par contre, je ne savais pas, mon frère. Tu viens de savoir maintenant, la sœur, mais il va parler des ignorances. D'accord? Le peuple qui était assis en bordure des ténèbres, ce peuple voit une grande lumière, dit la Bible. Mais Jésus a promis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour l'ignorance, un temps pour l'ignorance, un temps pour la vérité. Et quand la vérité vient, il y a des gens qui vont dire, non, je porte ça, je sanctifie Dolce & Gabbana. Tu parles. Je plonge DG dans le sang. Quand tu vas finir de plonger DG dans le sang, tu vas tourner, tu vas voir DG. Il y avait une fille quand, je ne sais pas en 2000 combien, sa soeur était en Italie. Parmi tous les ballots d'habits qui est en Italie, elle lui envoyait seulement un seul tricot qu'on appelait, on avait écrit là-dessus, I am a Satan girl. Elle est venue ce jour, elle a sonné à la porte, j'ai ouvert la porte, quand je l'ai vue, il a failli tomber évanoui. Et c'est une fille qui était dans la dimension de maman Olangui. Elle prend, elle envoie le feu pour détruire les montagnes, pour détruire les trucs, pour détruire les dieux. Elle vient, il dit, mais c'est quoi? Tu sais ce qui est écrit sur ton habit? Elle dit, non, c'est quoi? Que tu es la fille de Satan. Elle est tombée de nuit. Elle dit que waouh, c'est ma grande soeur qui est en Italie qui m'a envoyé ça. Donc, il dit parmi tous les habits qui est en Italie, c'est seulement celui-là qu'elle avait pour t'envoyer. Elle portait. Mais elle avait du mal à se séparer. Parce qu'elle dit que cet habit-là, elle aimait ça trop. Vous voyez, elle est possédée. Quand tu mets cet habit, tu pries, Seigneur, je sanctifie cet habit. Quand tu vas sanctifier l'habit, c'est vrai que la sanctification commence par être comme Satan. Mais quand tu vas ouvrir les yeux, ce n'est pas sanctification qui va être écrite là-bas. C'est Satan. Donc les idoles, on les brûle. Quand dans le livre de Genèse chapitre 35, quand le Seigneur s'est révélé à Jacob, il a dit, monte à Bethel. Bethel, ça dit la maison de Dieu. Va à la maison de Dieu et prosterne-toi. On ne peut pas se prosterner devant Dieu avec des ornements étrangers, avec des vêtements étrangers. On se prosterne avec les vêtements sacrés. Vêtements sacrés, c'est-à-dire le vêtement de la rédemption, de la sanctification. C'est ça dont il est question. Et puis, il s'est tourné, quand Dieu est parti, il s'est tourné, il a dit à sa famille, que lavez-vous, changez de vêtements et ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Dieu lui a seulement dit, va à la maison. Mais il a dit, faire. Ils ont enlevé tous les dieux étrangers, les amulettes d'or, tous les trucs qu'ils avaient au nez là-bas, le nom. Les trucs, ce sont le porc ou bien ce sont les qui. C'est la vache qui rit maintenant. Là. Elles ont ça dans le nez, dans la bouche. Ils ont enlevé, ils ont donné à Jacob. Ils les ont enfouis sur le térébin qui est à Shichem. Maintenant, ils pouvaient monter. Ben, j'ai dans la sainteté, bonsoir, allons-y. Alors, donc chaque fois, posez-vous la question, comme le Seigneur a dit ici, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 30, la partie C, où il a dit clairement, il n'a rien en moi. Cette méditation, que ça pénètre votre être, posez-vous la question, si le prince de ce monde vient et frappe dans ta famille, qu'as-tu qui lui appartient? Qu'as-tu qui lui appartient? As-tu ses attributs à lui? Si tu as ces attributs, s'il vient, tu es préparé. Oui. Frère Junior. Oui. Avec ce que tu viens de dire, on parlait de banalité de marque Dolce & Gabbana. On n'a aucune garantie que quoi que nous fassions ou tout ce que nous possédons ne relève pas ou ne, ne oui ne relève pas du satanisme, en tout cas de Satan. Exactement. Donc voilà, donc comment faire, n'est-ce pas, ma soeur? Voilà, comment faire? Tu sais, si tu entres chez toi et qu'il y a les verres avec des liquides transparents à l'intérieur, lorsque tu vas voir sur un autre apporter l'étiquette acide nitrique, acide citrique, acide sulfurique, mortel, on met le symbole de la mort là-bas, que danger de mort. En prenant le verre, tu sais effectivement qu'ici, on a déjà signalé que ceci est mauvais, pas vrai? Oui. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a sur la table, donc, cette chose-là qui est écrite comme ça. On dit, dans l'autre, c'est le pétrole. Et puis, on met l'autre là-bas, que ça, c'est du coca. Dans l'autre là-bas, c'est du jus de fruits naturels. Tu sais au moins que le jus de fruits naturels est potentiellement non. Au moins, on a dit là-bas que ce qui est là-bas est bon, tout pas vrai? Oui. Et puis, il y a des autres, des verres transparents qui ne se trouvent nulle, dont il n'y a pas d'étiquette. Ceci, le simple fait que tu aies vu danger quelque part devait te faire tout simplement observer et faisant attention avec les autres avant en avançant. Ce n'est qu'un sonnet d'alarme que ça tirait. Mais si tu savais que tout était bon là-bas, c'est que tu prendrais cela sans préjuger. Mais à l'instant, on a dit que ici c'est danger. Là, c'est de l'acide. Même quand tu vas vouloir boire l'eau, tu ne vas pas boire en grande quantité. Tu vas d'abord te mettre, tu tends d'abord dans le nez pour sentir que ici c'est bon. Donc ça veut dire que n'importe quoi tu vas prendre. Vous allez prendre, vous savez, on allait dans un magasin à Paris, on appelle Primark, quelque chose comme ça, c'est Primark, c'est Primark, quelque chose comme ça. Je ne sais pas où vous connaissez le magasin. Primark. Dans un des rayons de Primark, ils avaient des beaux vêtements. Ah, vous savez ce qui se passe? Les vêtements les meilleurs étaient dans cette zone-là, depuis l'enfant jusqu'au plus grand. Et chaque marque, quand vous allez la marque de ça, c'est Rebelle. Rebelle. Oui. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Vous voyez une paire de chaussures, c'est Rebelle. La chaussette, c'est Rebelle. La culotte, c'est Rebelle. La ceinture, Rebelle. La chemise, Rebelle. Et puis une casquette, Rebelle. Frère, de la plante des pieds, vous êtes quoi? Rebelle. Vous posez la question. La personne qui a créé cette marque-là, quand il le faisait, parmi tous les mots qui existent sur la terre, c'est seulement celui-là qu'il allait voir. Puis vous allez dans les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est une prophétie biblique que ces gens-ci veulent manifester. Parce qu'il y a l'esprit de rébellion que Dieu a relâché sur la terre depuis la parole de l'apôtre Paul en disant, dans les derniers temps, il y aura un moment difficile, les gens seront égoïstes, enfin, favorables, ainsi de suite. Ils seront rebelles à leurs parents. Ce sont ces choses que les enfants arrêtent. Et puis subitement, d'autres encore achètent des habits avec des dragons. Pour ceux qui viennent de la Chine, la majorité, c'est comme ça, le dragon. Et puis vous voyez quelqu'un qui était jadis calme, quand il porte ses habits, des tigres ou bien des éléphants, subitement la personne commence à être colorée. Il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, il travaille dans l'armée. Quand il était en classe de première, il bagarrait tellement. Et pourtant, il était dans une église appelée, vous appelez ça plein évangile. Un garçon calme. Et subitement, il est devenu en colère au point où il tapait tout le monde. On ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il avait porté un tricot et ce tricot ne le quittait jamais. Ce tricot avec le tigre au-dessus, vous savez, la tête des tigres comme ça. Le jour où la révélation est venue, que c'est ce tigre qui a en train de créer le problème, quand il a déchiré l'habit, le garçon est devenu encore calme comme j'en disais avant. Il pouvait frapper sur quatre personnes à la fois. Et il était à l'église, j'entends. Donc faisons attention. Faisons attention. Regardez tout autour de chez vous, dans votre maison. Vérifiez-y. Regardez ce que vous avez. Il y a d'autres personnes qui ont les statuettes chez eux et la nuit, les statuettes marchent. Elles ne savent pas. D'autres qui ont acheté des objets d'art dans des musées. Ces objets d'art qui sont des statuettes sont. Frère Seigneur. Pardon? Qui parle? Frère Seigneur. Oui. Tu as du boulot. Encore moi toujours. Moi, chez moi, c'est une maison de. J'ai plein de statuettes. Il y a des choses à faire chez moi. Hein. Eh bien, Génie. Tu vois que tu n'as plus te cacher en Allemagne du travail, n'est-ce pas? Qui ça? Le frère Benjeni que vous voyez là. Lui, non, il a du travail. Le frère Jean-Marie. Ah. Lui-même, il sent que. Frère Jean-Marie a du travail, pas vrai? Beaucoup. Alors, donc, vous remarquez très bien que ces statues-là, on va te faire des représentations. Vous allez dire que non, ça, c'est le masque africain. Mais ils ne savent pas quelle puissance se trouve derrière. Je crois que c'est dans ces enseignements-ci, ou bien dans cet enseignement de la Sainte-Église, que je vais poser la question. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un appelé Leonardo da Vinci dessine un tableau appelé la Mona Lisa et que ça peut coûter 150 000 euros? Un tableau que quelqu'un a écrit. Je vous pose la question, il y a quoi derrière le tableau pour que quelqu'un puisse sortir 150 000 euros pour pouvoir acheter ce tableau? Je veux que vous me donniez une réponse claire. Vraiment, je me suis souvent posé la question. Vous allez dans un musée, un peintre vous explique qu'il a mis la pinceau, il a seulement fait un geste sur le plateau, un jet, et c'est sorti. Et son tableau coûte 100 000 euros. Donc, c'est le geste qu'il a fait. Les connaisseurs viennent dire que waouh, ça c'est de l'authentique. Celui qui achète le tableau à 150 000 euros, qu'est-ce qu'il cherche au juste? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, mes chers frères? Si vous avez suivi les discours du sataniste qui a créé, fondé l'église de Satan aux États-Unis en 1966, en temps appelé Anton Zandor Lavey, il a parlé de musique et de l'art pour exciter l'émotion et pousser les gens à adorer Satan. Dans son... Je crois que c'est mieux qu'on arrête ce soir, pas vrai? Non. Sinon, la sœur avait encore dit qu'on a des problèmes, que j'ai encore des problèmes. Non, il y a encore des problèmes. Frère Junior, oui. Tu as commencé, il faut finir. Non. Parce que là, tu m'as tué. Oui. Mettons une pause, on prend la deuxième partie. Nous sommes à 2 heures déjà, d'accord? À 2 heures de temps, maintenant, d'accord? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prend une respiration musicale. On prend la deuxième partie. One.